garde à vous là. C'est bon, putain. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans le podcast de la nuit, le podcast qui est d'une gauche extrêmement pas modérée. Voilà. Oh putain. Je suis toujours avec Ulysse et Roman. Et comment ça va, Roman? Eh ben, ça va bien, et toi? Bah, ça va nickel, étonnamment. Et je suis toujours avec Ulysse. Comment ça va, Ulysse? J'ai le sida. Bah, tout va bien, en fait. Voilà, justement, ça commence bien. Allez. Bah, écoutez, bienvenue dans le podcast de la nuit, le podcast le plus polémique. Le podcast qui se met à dos absolument toutes les ethnies, c'est nous. Et oui, et en plus, on fait que parler de cinéma, donc voilà. Ouais, et en fait, ça nous déprimait un peu de parler des sorties VOD. Donc en fait, aujourd'hui, c'est un épisode un peu spécial, puisqu'on va vous parler exclusivement du festival de Gérardmer, qui s'est tenu en ligne, et à qui on doit cette intro communiste. Voilà. On va expliquer pourquoi l'intro communiste. On va expliquer pourquoi. Eh bien, je laisse Roman expliquer. Non. D'accord. Ok. Bon bah je vais expliquer, parce que c'est mal expliqué en communiste ici. J'ai oublié. Eh bien, de base en fait, on n'était pas censé faire d'épisode sur Gérardmer. Mais on s'est rendu compte qu'en fait on pouvait partager les comptes de Gérardmer. Et il se trouve que Hugo, il a sucé Sci-Fi pour avoir des comptes. Il a sucé Sci-Fi pour être accrédité à Gérardmer. Il a été accrédité à Gérardmer, et comme les gros moustiques de suceurs de sang, de tout ce que tu veux, on s'est ramené avec Roman, on avait un compte Gérardmer, et du coup, on lui a subtilisé son compte. Mais du coup, on a pu regarder le festival Gérardmer à trois sur un seul compte, comme des grosses sangsues. Et ça, c'est beau. Ah bah oui, il y a de bon. Après, il faut quand même préciser que je suis celui qui a vu le plus de films entre nous, parce que si on compte les courts-métrages, j'en suis à 25. Oui, et ça prouve que tu es le plus gros chômeur aussi. Ça prouve que non, que j'ai fait mon taf pour être libre, pour pouvoir en regarder un maximum. Que je suis organisé, finalement. Tu sais, en fait, dire « Non, mais je suis pas chômeur, je suis juste libre », c'est la plus grosse phrase de chômeur. Non, je n'étais pas libre, mais j'ai fait en sorte de l'être, parce que je me suis organisé. Et donc, du coup, je l'étais pour le week-end, tout simplement. T'as séché les cours en ligne, c'est tout, voilà. Non, mais même pas, mais vraiment pas. Madame Potier lui a mis 15 absences, c'est quoi ce bordel? Bon, ok, j'avoue, je me suis fait virer, voilà, c'est bon, vous êtes content. Ah, mais t'es desco, c'est pour ça. Bah oui, bah voilà, je voulais pas l'avouer, mais... C'est toi qui as inspiré Teddy, en fait. Exactement, très belle transition. Voilà, bon. La transition est magnifique. Mais oui. Et ça tombe bien parce qu'on va pas du tout commencer par Teddy. Ah, tu brises mon cœur. Mais on va commencer par le grand prix de ce festival de Gérardmer, à savoir Possesseur de Brandon Cronenberg. Our next contract's a big one. The target is the CEO of the largest operation in the US. He'll be binding to Colin Tate. We can't afford any mistakes on this one. Ready? Donc du coup, Roman et moi, on est les deux seuls à l'avoir vu. Je vais te laisser commencer, même si je connais déjà un peu ton avis, donc vas-y. À la base, j'ai découvert ce film parce que je l'ai vu en septembre, ce film, parce qu'il faisait partie de la sélection de l'Étrange Festival, même si je ne l'ai pas vu à l'Étrange Festival parce que je ne vis plus à Paris. Et du coup, j'ai pu le voir par des moyens, c'est déjà ça. Pas très légaux, quoi. J'ai rien dit. Adopi, s'il vous plaît, ne m'envoyez pas une lettre. Et j'ai un peu de mal avec ce genre de film. Je vais pas le cacher parce que je suis très sensible à la gestion du rythme d'un film et ça fait peut-être très très jeune con de dire ça, mais quand je m'emmerde, pour moi, c'est un gros point noir sur le film. Je dis pas que le film est mauvais, loin de là. Y a des très bonnes idées dans le film. Et déjà, visuellement, c'est magnifique. On va pas se mentir. Hugo, t'es d'accord? Je suis entièrement d'accord. Visuellement, c'est une claquasse avant, arrière, retournée sur les deux fesses. Une bonne claquasse, ça c'est acté. Mais même scénaristiquement, c'est cool, mais... C'est long, putain, ça aurait gagné à durer une demi-heure de moins, je trouve. C'est pas un concept à durer longtemps, en fait. Je trouve pas. Ouais, bah en fait je suis assez d'accord, à part sur le fait que tu dis que tu trouves ça bon scénaristiquement. Moi c'est justement, moi ça me dérange pas de voir un film lent où il y a de l'ennui. Enfin je veux dire Ghost Story c'est dans mon top 10, donc voilà. Mais là pour le coup je me suis fait vraiment chier. C'est-à-dire que je trouve que la première partie a un problème de, notamment de construction scénaristique, c'est-à-dire que c'est la même chose. En fait, c'est, on n'a pas dit de quoi ça parlait. C'est une agent un peu spéciale qui s'appelle Voss, si je dis pas de conneries. Je sais plus. Qui s'appelle Voss, si je dis pas de conneries, qui en gros bah, utilise une machine pour se mettre dans le corps de quelqu'un et effectuer des meurtres un peu en tueur à gages. Voilà, une Et agence de en tueur à gages à distance. c'est ça. Et en gros, bah, dans le mec dans lequel elle va aller, ça va pas se passer comme prévu et elle va pas réussir à ressortir. Voilà. Et donc, bah, je trouve que la première partie, elle est trop. Bah, c'est la même chose en fait. C'est-à-dire que Voss, dans la peau du mec, vit des choses pas très intéressantes et elle fait part de ces choses pas très intéressantes à la meuf qui la contrôle, qui est d'ailleurs Jennifer Jason Leigh, que je n'aime pas beaucoup. Voilà. Donc, en plus. Bof. Et je trouve que la deuxième partie, enfin c'est du potentiel gâché en fait. C'est qu'il y a, y a de l'idée. Je trouve qu'on peut exploiter, qu'on peut faire un vrai truc avec, mais que bah c'est pas bien. Je trouve que ça raconte rien et que bah, pour le peu que ça raconte, ça le raconte pas bien. Après, il y a quand même des scènes que j'ai beaucoup aimées, où je trouve qu'il y a beaucoup d'inventivité. Je pense à la scène de sexe avec tous le décor bleu, là. Où en mode... D'ailleurs, il y a une anecdote très drôle, c'est que sur le... Au moment où il écrit le scénario, il veut que sur cette scène, il veut que Voss ait un pénis pour que tout se confonde, etc. Sauf qu'en fait, il se dit... Ah, ça va pas passer pour l'actrice qui va jouer ça. Du coup, il le retire du script. Et en fait, quand il engage Andrea Riseborough, donc je ne sais pas du tout comment ça se prononce, je m'excuse. Bah, en fait, quand il parle du script et tout, elle lui fait, eh, mais ce serait quand même vachement cool que la Voss, elle a un pénis. Et il fait, mais attends, mais tu lis dans mes pensées, toi. Et du coup, il l'a gardé. Et je trouve ça vachement cool, effectivement, comme effet de mise en scène. Voilà, je trouve qu'il y a des trucs genre vachement inventifs. En termes de mise en scène, en termes de photos, etc., mais que malheureusement, scénaristiquement, je trouve que ça ne raconte pas grand-chose et que ça m'ennuie. Voilà. D'ailleurs, petit fun fact, mais le côté on entre dans une sorte d'autre dans une sorte d'autre quelque chose qui n'est pas nous, genre bah, du coup le côté entrer dans le corps de quelqu'un d'autre, c'est non ta sex tape Oula, titre. et ça a un petit côté existence aussi, où les gens vont dans un jeu vidéo pour commettre des actions, genre leur esprit est physiquement enfin est mentalement transporté dans le jeu vidéo. Existence qui est réalisé par David Cronenberg avec Jennifer Jason Leigh. Encore une fois, donc tout est lié. Et donc voilà, je voulais qu'elle ait un petit fun fact. Et à part ça, je trouve vraiment que c'est un film, bah, un film à festival en fait. C'est complètement ça, mais sauf que là, le Gérard May à distance permet pas de bénéficier de l'expérience festival que j'avais pu vivre pour. Bah, on en reparlera du PIF, mais que j'avais pu vivre au PIF avec Motafocaz et avec Piercing, même si j'avais moins aimé Piercing. Ou même avec Tragedy Girls, qui est beaucoup trop bien, mais c'était Tragedy Girls. Mais ouais, ou même à l'Étrange Festival où j'avais vu Tokyo Vampire Hotel, de Sonotion. Mais ouais, c'est très festival, c'est très film à festival, Possessor. Et malheureusement, bah je me répète, mais l'expérience en ligne, c'est vraiment contre-productif pour une expérience de festival, même si du coup ça permet au festival d'exister, malgré la situation actuelle. Après oui, mais en soi, je pense que, enfin, c'est valable que pour ce type de films qui ont vraiment un côté festival, parce que, enfin, il y en a, ça m'a vraiment permis de, que ce soit en ligne ou pas, hein, ça m'a vraiment permis de les apprécier. J'ai vraiment eu des coups de cœur qui sont ressortis. Mais c'est vrai que pour des films comme ça, ouais, ça joue beaucoup sur l'ambiance. Bah ok, on est dans un festival, on est avec d'autres gens. D'après ce que j'ai entendu de Gérard Armé, en général, tu es plutôt alcoolisé aussi. Donc, bah là, ça marche pas, quoi. Et c'est dommage. Ouais, c'est vrai. C'est à l'occasion qu'on se fasse tous les trois une session Gérard May en Mais vrai de vrai. tellement. Mais tellement. D'ailleurs, on invitera mon poteau Sofiane, à qui j'ai promis aussi qu'on serait un Gérard Armé un jour ensemble. Donc, bah, Sofiane, si tu passes par là, voilà. Merci d'exister. Donc, vous l'aurez compris, on est un peu mitigé sur Possessor. Mais on va parler d'un film maintenant que je sais pas si tu l'as vu encore une fois, Ulysse, mais qui fait bien plus l'unanimité, puisqu'on va parler de Host. What was that? Amy, was that you? I heard it. I heard something. I think there's something here. Did you see that? Funny. Et bah du coup je vais commencer sur Host. Host c'est un film qui a été tourné pendant le premier confinement où ils ont utilisé vraiment pour tourner que Zoom, qui se rapproche donc d'un film dont on avait déjà parlé qui s'appelle Connecté, où ils n'avaient pas utilisé Zoom mais qui était vraiment pas bien, que j'ai toujours pas revu et que je ne reverrai pas. Et donc bah en gros c'est Qui a envie de revoir Connecté? les sadomasos. Et encore, je ne suis J'ai pas même sûr. pas assez souffrancier pour que DSM le revoie, tu vois. Ouais, c'est vrai. Genre, Ouais, non, c'est c'est vrai, c'est vrai. nul, mais c'est pas. Ça donne pas envie de souffrir. Enfin, ça te fait pas souffrir. C'est consternant. Bah, attends, Michael Youn qui fait "Hé, les copains, je suis méchant, je vais révéler tous vos secrets." Si. Clairement, ça fait souffrir. C'est plus affligeant que Oui, c'est provocateur pas de Titi. souffrance. Bref, revenons à de la qualité. Donc Host, c'est six potes qui décident de faire un petit zoom pendant le confinement parce qu'ils se font chier. Et toujours parce qu'ils se font chier, ils se disent "Hé, les gars, on va faire une séance de spiritisme par zoom." Ok, pourquoi pas. Et donc en fait, bah, y a la médium qui est là, qui va leur dire "Alors vous faites attention, vous respectez bien les esprits." Et il y en a une qui va faire "Mais je m'en bats les couilles, je respecte pas l'esprit." Et ça va partir en steak. Voilà. C'est pas très long. Je crois que ça fait 50 minutes, un truc comme ça. 55, je crois. 55, ouais, un truc comme ça. C'était quand même classé dans les longs métrages à Gérard Armé. Même Bah, si. un long métrage, ça partait dans 55 minutes, donc oui. Selon certaines définitions, c'est 1 heure, donc ça pouvait. Mais bon, bref, on va pas refaire le débat. Quoi qu'il en soit, c'est un de mes coups de cœur de ce festival. Vraiment, je l'ai revu. Après coup, par les mêmes moyens que Roman. voilà. Et en gros, Ah, pour le il coup, moi je l'ai découvert par ces mêmes moyens, justement, parce que je l'ai découvert à peu près en même temps que Possessor. Je l'ai découvert la même semaine que Possessor, en plus, il me semble, en septembre. J'ai quand même attendu Gérard Armé, moi, mais bon, voilà. Je savais Mais pas qu'il en serait tout cas, là. jamais, moi. C'est pas faux. Et donc, il y a plusieurs anecdotes qui sont un peu cool autour du film. Notamment que bah, c'est basé sur un court-métrage de Rob Savage, donc le réalisateur, qui en gros, bah, pendant le confinement, il a fait une vanne à ses potes, où bah, il faisait semblant d'être possédé, et il en a fait un court, et donc bah, Shudder, qui est une plateforme aux States, a vu ça et a fait « Putain mec, c'était vachement bien ton truc, faudrait que tu le fasses en long-métrage », et du coup il a fait « Allez, c'est parti », et voilà, c'est comme ça que le film s'est fait. Donc vraiment le film utilise vraiment vraiment bien l'interface Zoom, c'est-à-dire que ça joue sur beaucoup de trucs, ça joue sur les filtres, ça joue sur donc pour ceux qui sont pas l'habitude d'utiliser Zoom, il y a des entre guillemets des enfin c'est pas entre guillemets, c'est à partir d'un certain nombre de personnes, la réunion est limitée à 40 minutes et donc le film joue sur ça et c'est vachement intelligent. Et il y a aussi une des filles qui se fait un fond virtuel où on la voit en fait passer en fond comme ça. Et donc tout ça c'est en fait super intelligent, c'est surtout des gros fusils de Tchekhov parce que la première fois que je l'ai vu, j'ai trouvé ça genre très très très long à démarrer. Vraiment, sur 55 minutes, le film met bien 15-20 minutes à démarrer. Bon, après, une fois que ça démarre, ça... Une fois que ça démarre, ça démarre, quoi. Ah ouais, une fois que ça démarre, ça démarre. Mais oui, c'est assez long. Et du coup, la première fois, ça m'a un peu dérangé, je dois avouer. Mais au final, en fait, quand je l'ai revu la deuxième fois, j'ai vu tous les petits trucs, en fait, qui allaient avoir une utilité plus tard, donc tous les fusils de Tchekhov. Bon, j'explique rapidement ce que c'est. C'est, en gros, ça vient du théâtre, du metteur en scène Anton Tchekhov, qui disait, si dans l'acte 1, vous voyez un fusil qui est accroché au mur, dans l'acte 2, il doit servir à tuer quelqu'un. Donc voilà, c'est en gros, c'est des objets que tu fous au début et qui ont l'air pas importants, mais finalement qui ont une grande importance dans les actes suivants. Et donc il y a plein de trucs comme ça, je pense au filtre, je pense au fond virtuel, je pense à la boîte à musique, enfin tous ces trucs-là. Et je trouve que c'est un film qui fait preuve d'une inventivité, mais incroyable. Il y a des scènes qui m'ont vraiment mis super mal, je pense à la scène du filtre dans le salon La scène là. du filtre est folle. Oh là là là là, quelle horreur! Bah, Vraiment, dans une j'ai... autre mesure, ça m'a rappelé la scène du Kinect dans Paranormal Activity 4. Que j'ai pas C'est-à-dire vu. que dans Paranormal Activity 4, il y a une scène où le démon, du coup, donc ça se passe la nuit, et tu as le Kinect qui reste allumé, donc tu as plein de points verts projetés, et tu vois la silhouette du démon dessinée par les points verts, en fait. Et donc ouais, enfin c'est une grosse réussite, franchement. Bon bah l'interface de zoom est bien gérée, ça joue bien. Apparemment il y avait pas mal d'impro, d'après ce que j'ai pu lire. Voilà, c'est le premier long métrage de Rob Savage, et j'ai très envie de voir ce qu'il va faire par la suite. Et d'ailleurs, petite anecdote sur ça, il a donc tourné un deuxième long métrage qu'il a envoyé à Blumhouse. Et donc au moment où j'ai lu ça, il était en live, bah, je crois que c'était sur le compte de Gérard Armé sur Instagram, et où en gros il expliquait que il attendait la réponse de Blumhouse, voir si son film allait être racheté par Blumhouse ou pas. Donc j'espère qu'il sera acheté par Blumhouse parce que j'ai très envie de voir ce qu'il va faire. Et avant de te laisser la parole, je finirai sur un truc. On sait toujours pas comment ce film va sortir. On sait pas si ce sera en ligne, on sait pas si ce sera en salle, etc. Mais je suis pas sûr que le sortir en salle soit la meilleure solution, parce que bah je pense que si le film a aussi autant marché, c'est que je l'ai vu tout seul dans ma chambre sur mon ordi. Donc t'avais vraiment l'interface de Zoom, voilà, Zoom ordinateur, ça collait super bien. J'avais mon ambiance LED rouge, etc. Il était minuit, tout le monde dormait chez moi. Et j'ai vraiment flippé parce que je pense que, bah en fait le film est fait pour être, enfin le film a été créé, a été pensé, a été tourné pour être fait, pour être vu sur ordi. Donc je pense que pour moi la meilleure façon de voir un film, c'est de le voir comme il a été pensé, et là il a été pensé pour ordi. Donc je serais super curieux de le voir ce que ça donne en salle, mais pour autant je sais pas si ce sera mieux que sur l'ordi, voilà. Alors, pour le coup, je suis assez d'accord avec toi, c'est-à-dire que je l'ai découvert aussi sur mon ordi. Et je vais rebondir du coup sur deux films que j'avais découverts comme ça aussi. Le premier, c'était Unfriended Dark Web, que je trouve être bien meilleur que Unfriended, pour le coup. Unfriended Dark Web, qui est donc sorti en streaming assez longtemps avant qu'il sorte en salle en France, et j'avais été le revoir en salle ensuite avec mon meilleur pote. Donc Unfriended Dark Web, ça raconte l'histoire d'un jeune adulte qui trouve un Mac et qui du coup va le garder. Sauf que en l'allumant, il se rend compte qu'il y a des données personnelles de l'ancien utilisateur. Et on voit qu'en fait le mec a volé un Mac qui traînait dans un cybercafé. Et dans les données personnelles, genre. Quand il va sur Google et qu'il ouvre Facebook, ça ouvre le Facebook de l'ancien utilisateur. Pareil pour Instagram, pareil pour les mails, etc. Et il va se rendre compte qu'en fait sur l'ordi, il y a des vidéos qui sortent tout droit du dark web, en fait, et que le mec qui a cet ordi fait des trucs pas très hellel, pour ne rien spoiler. Et l'autre film, alors on s'éloigne de l'horreur, mais c'est Searching. Searching, ça raconte l'histoire. Donc, pareil, c'est un computer screen movie, comme Host, comme Unfriended 1 et 2. Et donc, ça raconte l'histoire d'un père qui a perdu sa fille. Enfin, elle n'est pas morte, elle est portée disparue. Et il va essayer de la retrouver par tous les moyens qu'il trouve. Et alors, le film alterne entre capture d'écran d'ordinateur, prise de vue de caméra de surveillance, reportage télé, etc. Et donc, génial. C'est vraiment bien, Searching, et il faut à tout prix voir ça. Et donc ces deux films-là, je les avais découverts sur ordi, et c'est le genre de film à découvrir sur ordi, effectivement, comme tu l'as dit, Hugo. Alors Host, du coup oui, parce que je n'en ai pas parlé. Host, c'est vraiment trop bien. Ben, il est dans. S'il n'est pas dans mon top de 2020, il est dans les mentions honorables alors. Mais il me semble qu'il est dans mon top. Top Je 10. suis pas sûr, hein. Alors il est dans les mentions honorables. Il est Il dans doit les être dans les mentions mentions honorables honorables. alors. Ouais, qu'on n'a pas fait, donc Non. spoiler. Mais du coup, oui, Host, c'est excellent. C'est vraiment bien. Et c'est un des meilleurs films d'horreur que j'ai vu l'année dernière. Et bah, c'est un peu dur de passer après vu que t'as à peu près tout dit. Mais oui, Host, c'est vraiment excellent. Et si vous avez l'occasion, il n'est pas très dur à trouver. Franchement, n'hésitez pas à foncer. C'est vraiment cool. Donc maintenant qu'Ulysse est revenu et qu'on est content, on va toujours continuer ces films en compétition, puisqu'on va parler de Teddy. Un loup, c'est comme un renard, ça va tout te tuer, ah, non, non, juste non, pour manger quatre merdes. C'est le loup, faites pas. Une battue, et si vous savez pas la faire, nous on s'en occupe pas. Oh, je vous parle là! Oh, qu'est-ce que tu fous là, toi, con? Tu vas te prendre un outrage. C'est bon, je reste derrière le scotch. Ça sert à quoi d'en mettre sinon? C'est le loup ou pas? Eh hey, gros! Elle est pas là, Rebecca. Oui, elle est là, je l'ai mis par la fenêtre de sa chambre. Elle révise son bac. Ouais, mais je vais l'aider à réviser. Tu peux en parler? Évidemment, c'est toi qui l'as proposé en plus. Bon, même si on a tous. Bon, j'en dis pas plus. Vas-y, Ulysse, parle-nous. On a tous vu le film. Donc, Teddy, c'est un film qui était tourné près de Perpignan. Un film du terroir, on va dire. Un bon gros film. C'est la ville de FN! Oh la putain! ville de FN! Oh putain, qu'est-ce que tu fais là? Tu vas te manger un outrage! C'est ça. Alors, Teddy, c'est un film de loup-garou français. Qui est tourné au niveau de Perpignan, donc dans le sud de la France, et donc qui a été en compétition Ulysse, aussi à Cannes, je propose qu'on fasse, je propose qu'on fasse la partie sur Teddy avec un bon accent de nos régions et de Talagne. Je tiens à dire que mon accent, il y a plusieurs accents en fait dans le sud, et le seul accent que j'ai, c'est l'accent du Cantal, du coup, Le Cantal ça. pour toi, c'est le sud? Non, pas le Cantal, merde, je veux dire l'Aude, l'Aude. L'Aude. Donc alors, Teddy, c'est un film. Alors Teddy, c'est un film réalisé par Ludovic Bukorma et Zadan Bukorma, donc les frères Bukorma, qui est une comédie horrifique française qui est sortie en 2020 et sortie en 2021. 2020, 2020. Non, non, les 21. Dans le 20, Parce que, non, mais dans l'Aude, ils disent ing, tout le temps, ing. Ils disent pas du pain, ils disent du ping. Ah là là, on va se mettre à dos les sudistes maintenant, c'est terrible. Les sudistes, lesquels sudistes? Tous. Ah, tu parles de ces connards d'esclavagistes? Ah non, ah merde, oula non, je parlais dans le sud de la France évidemment. Oui, donc, Teddy, ça raconte l'histoire de Teddy, qui est un jeune gars déscolarisé, qui porte des tuyaux de dragon et qui a les cheveux à moitié rasés. Qui vit dans un vieux van chez son oncle et qui travaille chez une masseuse nymphomane. Et Oui, Cougar, clairement, je je me pense qu'on peut permets, le dire. Et je Cougar. me permets, pendant tout le film, j'ai eu envie de l'appeler Jordan, mais vraiment. Mais tout le monde. Mais absolument tout le monde. Kevin aussi, ça a été pas mal. Non, Jordan. Non, vraiment, Jordan. Jordan. Jordan, Jordan. Jordan. Jordan, d'accord. On va l'appeler Jordan jusqu'à la fin de la critique. Donc, Jordan, il est joué par Anthony Bajon. Comment dire? Disons que c'est la première fois que je le vois, mais je sais pas dans quel autre film il a pu jouer. Il a joué dans Prière, il a joué dans Au nom de la terre. Ouais, bah, il a joué dans Alors, quelques films déjà. c'est Au nom de terroir. Au nom de terroir. Ah, Voilà, s'il te excusez-moi, plaît, excusez-moi. Au nom respecte de le petit peu de terroir. langue. Il a aussi joué dans Rodin, dans Les Augments. Voilà, il a joué dans quelques films. Je crois qu'il a commencé sa carrière vers 2014. 2016, c'est un putain d'acteur, je l'aime vraiment beaucoup. Il a une gueule et il joue super bien. Donc, déjà, t'as dit qu'est-ce que ça raconte? Donc, ça raconte l'histoire de Jordan, qui est donc un déscolarisé, etc. Et un jour, il va se faire mordre par le loup. Le loup. Il va se faire mordre par le loup. Et du coup, bah. Oh, c'est le loup! C'est le loup! Attention, bouge de là ou tu vas te manger un outrage en plus de ta garde à vous. Donc il va se faire mordre par un loup et donc il va commencer à devenir un peu un loup-garou, tu vois. Et donc ça racontait l'histoire en fait de cet adolescent tourmenté dans ce petit village de merde. Donc où on va suivre ces histoires de cœur, ces histoires de cul, ces histoires de cougar, ces histoires de je vais bouffer la langue des gens. Et donc voilà, c'est ça, Teddy. Et c'est super bien que ce soit la mise en scène qui est très efficace, ou que ce soit le côté body horror qui apparaît petit à petit dans le film et qui est très très bien foutu. Le film, il a beaucoup de très très bonnes idées de mise en scène. Le film est beau visuellement. C'est pour moi une véritable réussite, Teddy. C'est, je crois, l'un des films, un de mes films préférés donc de la sélection, si ce n'est le meilleur film que j'ai vu de la sélection. Et guess what, c'était le premier que j'ai vu aussi. C'était celui qui m'intéressait le plus avec Possessor. Oui, mais oui, Teddy, c'est le film qu'on s'est maté tous les trois en même temps dès le premier jour, je crois. Oui, c'est ça. C'est vrai, c'est exactement ça, ouais. Et ouais, c'est super, c'est un super film. Enfin, je pense que vous avez tous les deux aimé aussi. Ouais. Mais que ce soit dans la musique aussi qui réussit, ou la fin que je trouve très belle, Teddy, c'est un film qui m'a touché, un film qui m'a fait rire. Et c'est un film de genre français, et c'est le cinéma de genre français, c'est quelque chose que, au sein de ce podcast, on sera toujours là à défendre. Parce que on a une putain de scène de genre en France, clairement. Que ce soit Pascal Logique, que ce soit Alexandre Aja, même si lui c'est pas en Amérique, ou même que ce soit Julien Ducournau. On va reparler plus tard dans le podcast. Mais oui, de Chevron aussi. On a énormément de très bons acteurs de cinéma de genre en France. Même niveau réalisatrice, on a cité Ducournau, mais il y a aussi Coralie Farja, par exemple. Ah, celle-là je la connais pas. Oui. Coralie Farja qui avait réalisé Revenge. Ah oui, Revenge, ok, d'accord. Ouais. Bah voilà, on est sur une très très bonne scène de genre en France. Et Teddy, pour moi, c'est un cinéma de genre français que j'aime beaucoup. Et j'ai énormément aimé Teddy. Voilà. Donc, je pense que j'ai pas besoin de dire trop de choses, parce que j'ai vraiment envie d'encourager les gens à voir ce film à sa sortie, en fait, en salle. Ouais, aller en salle. Donc, vraiment, aller voir ce film en salle. Moi, je suis dégoûté de l'avoir vu sur un ordinateur. Alors d'abord, je voulais revenir un peu sur ce que tu as dit sur le cinéma de genre français. Teddy, ça fait partie des films qui ont été produits ou qui sont distribués par Joker's Film, dont je tiens à saluer le travail, parce que c'est vraiment un des derniers studios en France qui a des couilles. Mais ils ont fait un putain de braquage l'année dernière, il y a 2 ans, avec Parasite. Hein. Ils ont fait un putain de braquage. Mais puis même cette année, hein, regarde, tu prends le palmarès de Gérard May, si t'enlèves Sleep, qui a eu le prix du jury avec Teddy, justement, égalité, c'est que des films de Jokers. Parce que Possessor, ils le sortent, ils le sortent directement en DVD, mais c'est eux qui le sortent. Et La Nuée et Teddy, ils produisent et ils distribuent. Non, mais ça arrive de temps en temps qu'il y ait des éditeurs ou des distributeurs en France qui fassent des putains de braquages. Ça avait été le cas aussi avec Wild Side, quand ils ont misé sur Drive. Non, mais ils ont... Ouais. Ils ont tout niqué. Et sur un autre film dont on reparlera plus tard dans les films Gérard May du passé. Wink wink. Et donc, tout ça pour dire, Jokers, je sais que vous écoutez pas ça, mais bravo à vous quand même, et merci d'exister. Si jamais vous écoutez Jokers, sachez que je vous envoie tout mon amour. On vous aime. Et sachez que je suis l'un des mecs qui est à prendre le moins au sérieux dans ce putain de podcast, mais je vous dis sincèrement que je vous kiffe, les mecs. Voilà. Mais oui, du coup, je suis d'accord avec tout ce que tu as dit sur Teddy, c'est-à-dire que Anthony Bajon, je l'avais jamais vu, pareil, mais putain de merde, quelle révélation de ouf. J'avoue, putain, moi, je vais... Si jamais il continue dans le cinéma de genre français, mais je vais lui fouler, je vais forcer pour qu'il ait un César, ce mec, un jour. Mais c'est ça le truc, en fait, c'est que je veux... parce qu'on connaît... Hein, on en reparlera des Césars et du cinéma de genre. Parce que les films de genre français ont des Césars, maintenant. Non, c'est ça le problème, justement, et on en reparlera. Are you gay getting Oscar? On aura l'occasion d'en reparler avec pas mal de films, vous verrez, dans les films de Gérard May du passé. On fera un parallèle avec les Goya, notamment. Restez jusqu'à la fin. Ouais, restez jusqu'à la fin, vous inquiétez pas. C'est pour Watch Time, c'est pour les putes, c'est ça. C'est pour la vue. C'est parce qu'on passe 4 heures à faire notre putain de podcast, vous me faites pas chier. Et quasiment le double à monter. Non, j'abuse. Mais bref. Non, mais du coup, voilà, bah, il a intérêt à avoir la révélation. Parce que déjà, Garance Mariée s'était fait voler par Camélia Jordana, et je maintiendrai toujours ses propos. Mais même Jimmy Williams, hein. Et même Jim Williams, bordel. D'ailleurs, Jim Williams, on l'a pas dit, mais qui est le compositeur de Possessor, qui a eu bah, la meilleure musique de film à Gérard Armé. Voilà. Et qui est aussi compositeur de Grave. Ça ouais. Putain, Jim Williams, Possessor, grave, ouais. Le monde est petit. Mais donc, du coup, oui, tu as parlé de pas mal de trucs. Effectivement, moi, j'aimerais bien rajouter deux choses. Premièrement, je crois que t'as pas dit grand-chose sur la photographie, que je trouve quand même vachement bien maîtrisée dans l'esthétique, que ce soit les scènes en extérieur, où il y a vraiment bah, cette couleur du sud avec des policiers comme ça. Voilà. Et surtout, le film, t'as l'impression que... t'as vraiment l'impression qu'il y a rien autour, en fait. Que c'est vraiment ouais. Leur bled paumé, qu'il y a rien, genre, que personne pourra venir aider. C'est exactement ça. Ça s'appelle le Sud, bienvenue. Ça s'appelle... ça s'appelle la... Alors, je suis pas d'accord avec toi, il y a plein de trucs autour, genre des vignes. Après, tu vois, je pense... Je suis pas d'accord avec toi, il y a plein d'endroits en France où il y a rien autour. C'est pas que le Sud, évidemment. Oui, bah ça s'appelle la campagne, quoi, en termes généraux, mais bref. Oui. Mais moi, genre, tous les ans, je vais dans un petit village du Sud qui s'appelle Embrez y Castelmor, qui est à peu près à une heure de la frontière espagnole. Et je te jure, il y a le village et autour, il y a les vignes. Et en gros, oui, il y a un truc que j'adore aussi avec des films, c'est quand ils ont en fait la faculté de passer d'un genre à l'autre. Et Teddy le fait très bien, parce que tu vas passer d'un truc un peu plus horrifique. Enfin, de base, tu commences vraiment sur de la comédie. Après, tu passes sur un truc un peu plus horrifique, puis tu passes sur un truc un peu plus dramatique, voire romance, pour rebasculer sur de l'horreur. Enfin voilà, moi, c'est ce genre de film, quand c'est bien maîtrisé, j'aime beaucoup. Et là, pour le coup, c'est bien maîtrisé. Alors pour moi, le côté comique ressort vachement juste par l'accent du Sud, en fait. Mais totalement. Mais totalement. Et d'ailleurs, c'est ce qui m'a beaucoup fait marrer, tu vois. C'est-à-dire que, en tant que bon gros parigo tête de veau, l'accent du Sud... C'est un truc qui, quand il est mis à outrance comme ça, me fait rire. Je suis entièrement d'accord. J'ai grandi genre vraiment collé à Paris. Là, j'ai déménagé, mais je suis encore en région parisienne. Donc oui, je suis entièrement d'accord avec toi. J'ai vécu 18 ans à Paris. Je crois que j'ai trop côtoyé le Sud pour rigoler à cet accent. Je suis désolé. Non, moi, ça m'a fait rire. Je suis désolé. Non, mais j'ai même eu une de mes ex qui était du Sud et qui avait toujours un accent comme ça. Oh, ça doit être horrible. Frérot, elle m'appelait peu cher. Oh putain! Oh peu cher! Oh peu cher, oh! C'est ça, putain, c'est ça! Oh peu cher, viens au vélodrome, on va te goumer! T'es un peu dans le fond, peu cher, je suis pas ta mère! Oh merde! Dédicace à cet ex si elle nous écoute! Non, je crois pas, non, très mauvais terme! Ah! Bah, elle a voulu jouer au boule, moi je pensais qu'elle parlait de sexe, elle parlait de pétanque, ça s'est disputé quoi! Ah merde. Faut pas chier avec la pétanque, les mecs. T'as fini en justice, quoi. Ah bah ouais, hein. C'est un mec qui s'appelait Michel qui m'a jugé. J'ai pas la vanne. Le juge Michel ? Non, mais au Sud, une personne sur cinq s'appelle Michel. Si ah, ok. Ah non, parce que le juge Michel, c'est une affaire à Marseille assez connue. C'est un juge qui devait juger des membres de la mafia de la French Connection et qui s'est fait tirer dessus à un feu rouge. Pauvre Michel. Voilà. Bien. C'est un jeu marseillais, du coup. Voilà. Oh bah pauvre Michel. Et mais voilà. Oui, c'est clair que ça peut finir au poste de mélanger pétanque et sexe, parce que ça fait pas très bon ménage un anus et un cochonnet. Bref, j'ai un dernier truc à ajouter sur Teddy avant de laisser la parole à Roman. C'est que malheureusement, on ressent quand même un peu le manque de budget dans ce film. Voilà. Je suis pas d'accord. Ah bah moi je suis d'accord avec moi-même. Le fait de beaucoup cacher la créature. Ça amène en fait à la scène des chiottes sans... Oui, mais c'est pas tant de la cacher que... Bah franchement, que... la scène des chiottes, super réussie, moi. Oui, non mais il n'y a pas de souci là-dessus. Je suis entièrement d'accord avec toi, mais c'est juste que quand vraiment tu filmes la créature, tu vois, donc bon, la créature, le loup-garou, on peut le dire, quand tu filmes Teddy quand il est transformé en loup-garou, je trouve que... Bah il est pas super bien fait, le loup, tu vois. Tu parles du loup. Non mais le loup, ouais, j'aime bien le loup, mais tu sais un peu les. Oh, c'est le loup. C'est le loup. C'est le loup, pas. Ceux qui n'ont pas vu le film, ils ont rien compris. Toi, tu vas te la manger ta garde à vue, hein. Allez hop, on garde avec le loup. Ça part en poste. Et vrai. Qui m'a tué de rire, la scène au poste avec le mec qui vit avec Teddy là, le croque-mitaine. Le croque-mitaine. Non putain aussi le. La scène quand il est chez le médecin, oui, qui fait tu m'étonnes que tu as des poils qui te poussent sur la langue si t'as pris des champignons. D'ailleurs, l'organisateur du festival avait fait une petite vidéo qui passait avant le film, du coup, où il se rasait la langue comme t'es dit dans le film au début. C'était Fido, c'est ça? C'était Fido, non? Ouais. Je crois que c'est donc Putain, bien. Sacré Fido. Sacré Fido. Mais du coup, Roman, toi, qu'as-tu pensé de Teddy? Et bah, comme vous, j'ai vraiment bien aimé le film. Et je suis dégoûté de ne pas avoir pu le voir en salle. Parce que c'est un des films qui devait sortir en 2020 et qui a été repoussé à on sait pas quand, du coup. C'est vrai, ça? Ah oui, il était prévu pour 2020, à la base, d'accord, pour la période d'Halloween. Parce que je crois que dans la timeline de Jokers, la nuée arrive avant Teddy. La nuée devait sortir en octobre. Hein. Ah bon, parce que je sais ça a été décalé ensuite à novembre, avant d'être redécalé à début janvier. Oui, enfin, il devait sortir... Parce que t'avais déjà des avant-premières du film avant la fermeture des salles. Ouais. Et oui, du coup, bon, au final, quand ils avaient annoncé que ça rouvrait le 15, ils l'avaient placé le 13 janvier ou un truc comme ça. Et là, du coup, on n'a pas d'infos. Voilà. En plus, c'est con parce que Teddy, donc, il est en sélection officielle du Festival de Cannes. Et la nuée, il est à la semaine de la critique. Donc, c'est un peu con de pas voir ces films, surtout qu'ils sont géniaux. Voilà, on reviendra quand on parlera de la nuée. Est-ce que je peux vous demander quelques secondes pour cracher sur un film de la sélection? Tu veux cracher sur Attends. Ouais. Attends, on finit. Enfin, Roman finit, et puis après, si tu veux, ouais, on le rajoute. J'ai pas grand-chose à dire, quoi. Vous avez quand même grosso merdo tout dit, mais ouais, Teddy, c'est vraiment cool, et il faut encourager le cinéma de genre français, quoi qu'il arrive. Alors, ne voyez pas The Cursed Listen. Pour trois raisons. Premièrement, le film est lent as fuck et très très très ennuyeux. Deuxièmement, oui, le scénario est encore plus mal branlé qu'un épisode des Total Spies. Des feux de l'amour. Vraiment, je suis pas d'accord. Non, mais même les feux de l'amour. Non mais le scénario est absolument. J'en ai rien à foutre. Je vais spoiler. Ne voyez pas ça de toute façon. Non. Rien à foutre, mec. Là, dans le film, tu pourrais mettre des bips si tu veux, mais j'en ai rien à branler. Je vais spoiler la balle. À la fin du film, quand on dit c'est la réalité, en fait c'est pas la réalité, en fait c'est la réalité, en fait c'est pas la réalité. Mais c'est quoi ce bordel? Vraiment. On dirait la femme d'Assaut. En fait, je savais que tu savais. Mais est-ce qu'ils se sont dit un seul moment que la fin du film aurait pu être intelligente? Mais il n'y a absolument rien depuis le début du film qui était censé supposer ces trucs. Contrairement à dans Fight Club, où tu avais beaucoup d'indices qui disaient que, ouais, en réalité, voilà, vous connaissez la fin de Fight Club, je vais pas spoiler pour les trois connards qui n'ont pas vu le film de la fin. Bref, je disais, on dirait genre la fin de Fight Club où tu as un twist en mode putain, ça te nique tout, mais tu avais des trucs dans le film qui te font dire putain, mais c'était évident. Là, The Cursed Lesson, c'est gratuit. The Cursed Lesson, le film est chiant, le film est long, le film est mal branlé, même en termes d'horreur, franchement, j'ai eu plus peur devant l'épisode de Pingu où t'as une tête chaude. Est-ce qu'on a vu le même film? Je sais pas, mais est-ce qu'on a les mêmes goûts? Ça, je suis pas sûr. Ça fait pas peur. Ça fait pas peur, The Cursed Lesson. C'est chiant, c'est long, c'est mou. Mais c'est plus mou que ma bite après avoir vu la tête de Roman. Tu disais pas ça hier soir, enculé. Ouf. Non, mais c'est parce que je voyais pas ta tête, je voyais que deux bébés. Ah oh, putain, les sages. Je disais, The Cursed Listen, c'est nul à chier. Le seul truc que j'aime bien dans le film, c'est les yeux qui regardent l'héroïne. C'est le seul truc que j'ai aimé dans ce putain de film de merde. Oui, elle a les yeux, mais bon, ça fait... Oui, mais... On peut aussi dire ça à mon beau-fils dans Mission Cléopâtre à ce moment-là. Non, mais là, pour le coup, je trouvais que c'était un bon truc de mise en scène et que... Il y avait un petit côté, hein, putain, pas mal, ils se sont fait chier pour faire ce truc. Tout le reste du film, par contre, franchement, je préfère Bord du Seigneur que de le revoir. Mais il est quoi déjà le film? Il est coréen, non? Oui, il est coréen. Ouais, il est coréen, c'est ça. Les coréens, ils font des bons films, et des fois, ils font The Cursed Listen. Mais en fait, bah, je suis un peu seul contre tous, comme beaucoup dans ce, comme souvent dans ce Alors, si tu me dis podcast. que t'as aimé ce film, mec, si tu me dis que tu l'as aimé. Mais c'est un mec qui a aimé Aya et la sorcière qui me dit ça, quoi, merde. J'ai pas aimé Aya et la sorcière, juste que je. Mais non, mais du coup, en fait, je dis pas que c'est un excellent film, hein, loin de là. Mais il y a vraiment des trucs qui m'ont intéressé. Je trouve pas le film long. J'ai pas trouvé vraiment. J'ai pas trouvé le film long comparé à par exemple un Sleep qui a eu le prix du jury, mais où vraiment je me suis fait chier comme pas possible Mais tu l'as et regardé, t'étais à qui m'a moitié mort endormi. aussi. Alors, c'est un peu vrai, mais le film m'aide pas. Le film m'aide pas, sincèrement. Et il faut savoir que j'étais à moitié mort, mais toute la partie où, enfin, en gros, le début j'allais bien, et la partie où le film m'a endormi, je l'ai revu le lendemain et bah c'est pas bien, vraiment. Et non, mais en fait, j'ai pas été déçu par ce film. J'ai trouvé qu'il y avait des choses intéressantes sans être exceptionnel, tu vois. Je pense à la meuf dans le couloir habillée en rouge, tu vois, ça j'ai beaucoup aimé. Mais la scène de sexe aussi qui est horriblement malaisante, horriblement gênante. Oui, Alors, la avec le première scène de serpent là, sexe avec le avec le serpent, serpent. oui, Ouais. je crois. Franchement, elle est bien chorégraphiée, mais ça fait un peu poseur. Bref, oui, et du coup, en fait, en ce qui est pour la fin, je suis d'accord que pendant un moment, je me suis dit, mais où va le film, tu vois? J'étais en mode, mais, hein, quoi? Et en fait, je Elle était trouve que vierge. non, mais je trouve que la fin arrive à être malgré tout quand même assez cohérente, et que finalement, bah, ils arrivent Cohérente? bien, oui, et qu'ils arrivent bien à expliquer, on s'en doutait, Mais c'est un c'est peu pas qu'elle prévisible. sort de mon cul, mais elle sort des Mais tréfonds de mon côlon, cette putain de fin de n'importe merde. quoi, c'est un peu putain. la même chose, non? Non, Le mais cul et le des tréfonds du tréfonds, côlon. c'est-à-dire, c'est genre le bout de mon trou du cul, Je suis genre. tellement pas d'accord. Tu vois, quand un vagin, il y a un bout, là où il y a l'utérus, et ben là, c'est le bout de mon anus qui sort. Limite, ça me ressort par la bouche, tellement c'est faut aller la chercher, cette fin. Mais je trouve que les 15 dernières minutes arrivent à expliquer tout le brouillon qu'il y a dans le scénario. Alors, non. Si? Correction. Les 15 dernières minutes et ne corrigent pas le brouillon. Les 15 dernières minutes sont brouillonnes. Mais non, justement, mais justement, c'est là où je suis pas d'accord, c'est que justement, je trouve que ça explique le brouillon. Non, on n'explique pas du brouillon en faisant du brouillon. Mais je trouve pas que ce soit brouillon, au contraire, je trouve que c'est très clair. Bref, on a passé beaucoup trop de temps sur ce film qui de base était même pas dans notre planning. On va enchaîner sur Mosquito State. Donc du coup, Ulysse, c'est toi qui nous as proposé Mosquito State. Donc bah écoute, parle-nous-en et dis-nous bah, ton avis tout simplement. Est-ce que vous aimez la mouche de David Cronenberg? Question plus importante, est-ce que vous avez la mèche de David Cronenbourg? Ceux qui ont la rêve, je Oui, vous aime. aussi. Ah oui. Eh bien, sachez que Mosquito Street, c'est un film de body horror avec des insectes. Tout comme La Mèche de David Cronenberg. Mosquito State, c'est pour moi un des meilleurs films de la sélection, comme t'as dit. Ça raconte l'histoire de Abdel Villain, c'est un mec qui travaille aux finances et qui a fait un putain de programme de taré pour gérer les dépenses et tout de sa grosse boîte. Ça se passe en 2001 pendant un krach boursier. Et en fait, tout va se casser la gueule. Et pendant ce temps-là, le mec il commence à avoir une relation un petit peu étrange et ma foi fort communiste avec des insectes, et plus précisément des moustiques. Et donc les moustiques vont commencer à lui bouffer le corps et du coup il va ressembler à peu près à Quasimodo, mais sans le visage qui part en mode marche d'escalier. Du coup ouais, c'est un film que j'ai trouvé ultra beau en termes de visuel, en termes d'image. Le film, il lâche la purée et on a des plans qui sont sortis de je ne sais quel tableau magnifique. C'est super beau. Le film est absolument sublime, même si la CGI est absolument dégueulasse, mais ça, c'est pas grave. Elles apparaissent. Quand elles apparaissent, c'est pas si grave, quoi. L'acteur principal est absolument taré dans son rôle. Il est ultra fort ce mec. Et surtout, le film arrive à parler de finance et du milieu Wall Street, un milieu dont je n'ai rien à foutre, mais réussit quand même à m'intéresser. Et l'aspect psychologique du film est super cool. Donc Mosquito State, c'est un film de body horror romantique à la mouche que je vous conseille, vraiment. Et je ne sais pas s'il va sortir un jour en France, mais essayez de voir Mosquito State, surtout si vous avez aimé Le Loup de Wall Street, mais que vous n'avez pas aimé la scène où tu as DiCaprio qui siffle du cul, de la cocaïne dans le cul de Margot Robbie. Est-ce qu'on peut le voir si on aimait la scène de Ludo Street où il lance des nains? Alors, oui. Oui, clairement. Cool. Ça reste dans le côté petite taille. Ah, du coup, Hugo, je sais que t'as vu le film aussi, et viens partager ton amour du film avec moi. C'est de la... Non, je rigole. Je t'emmerde. je rigole. Non, c'est génial. C'est génial. Il faut savoir que pour compléter un peu, que le film, tu parlais de ses visuels, que en gros le film a été sélectionné au festival de Venise où il a eu le prix de la meilleure photographie. Voilà. Et je trouve, je trouve ça mérité, même si il y a certains visuels où on dirait que c'est In the Panda qui a fait la photo avec ses LED, mais sinon. Non mais moi j'adore. Hein. Moi j'adore. J'adore quoi. Moi aussi. D'ailleurs, si tu aimes beaucoup les LED, je te conseille de revoir Star Wars 9 parce que c'est la seule idée de visuel qu'ils ont. Jamais je ne regarderai cette merde, je ne re-regarderai cette merde. C'est infâme. Non. Je l'ai vu deux fois, c'était éprouvant. Le 7 restera mon démon. Mais les seules idées visuelles du film, c'est viens, on fout des putains de néons, bro. Ouais, bro. Oui. Terrible. Il y a la bataille de fin sur Exegol est quand même relativement sympa à regarder. Même pas. Y a un mec, on met des néons. Ouais, mec, des néons. Encore, tu me dis que dans le 8, la bataille dans la pièce rouge là avec Snoke, oui, bon, tu vois, ça c'est agréable. Le 8 est super beau. Je suis d'accord. Déjà, la bataille chez Snoke, même la bataille à la fin sur. Sur Crait avec le sol en terre rouge recouvert de sel. Un tableau magnifique, bien sûr. Oui, putain, mais Star Wars 8, c'est déjà un très bon film, moi j'aime beaucoup. Et franchement, j'aime beaucoup. Voilà. Par contre, Star Wars 7, ouais. Et Star Wars 9. On va pas faire. Bref, Hugo, tu devais parler de Mosquito State maintenant. Oui, sachant que c'est un peu compliqué de passer après toi, sachant que t'as résumé l'essentiel, quoi. Oui, bah écoute, c'est le body horror est super bien géré. Il y a vraiment des scènes où j'étais en mode. Body horror, je pense qu'il aurait pu aller plus loin, mais j'ai beaucoup aimé quand même. Oui. Après, il y a vraiment des scènes qui te dégoûtent, mais bon, bah voilà. Moi, si je devais apporter un truc, c'est que. Enfin, dire quelque chose un peu négatif. J'ai trouvé que parfois ça se perdait un peu entre beaucoup d'intrigues et où le film sait pas trop où aller. Mais rien de bien gênant puisque bah en fait je trouve que techniquement c'est très fort et que ça suffit en fait, ça suffit à soi-même. Et ouais, faut regarder ce film, j'espère qu'il sortira en salle. Par contre, je vous préviens, au début vous allez vraiment... avoir envie d'éclater chaque putain de moustique qui se trouve dans ce film. Je peux vous dire que le regarder avec un casque, c'est de la torture, sincèrement. T'entends, t'as vraiment envie de d'éclater ton casque. Voilà. Donc c'est juste voilà, ça c'est ça mes deux bémols, mais sinon c'est un excellent film, même s'il fait pas partie des 3-4 qui sont arrivés en tête de ma liste. Voilà. Donc du coup, on va continuer sur ces films en compétition, il nous en reste que deux. Et on va maintenant parler de The Stylist. Hair stylist, she's creepy. Doesn't one actually know her? You give life advice. I guess we all want what we don't have. It's almost like having a family. Are you okay? Stupid! What did you do? Donc The Stylist, c'est moi qui tenais à le caser, voilà, parce que c'est pour le coup un de mes gros coups de cœur de ce festival. Je ne m'attendais vraiment pas à autant aimer. Après, il faut savoir que moi, j'adore ces trucs de, il y a une personne qui devient obsédée par une autre et qui va beaucoup trop loin. Par exemple, à titre informatif, voilà, même si je sais que c'est pas fou, le film Ma de Ted Taylor avec Octavia Spencer, c'est un film que j'avais grave kiffé. Oui, bah, c'est vrai qu'il est très cool. Et alors, j'ai pas trop envie d'en parler là, mais Sainte Maude, c'est un peu ça. Ah bah oui, tu fermes ta gueule parce que je ne veux rien savoir. Oui, mais, je vais pas en parler. Mais du coup, j'ai vu Sainte Maude, pas illégalement, parce que je me suis fait importer un steelbook depuis la Grande-Bretagne. Merci Zavi, je vous aime. Le steelbook est tellement beau, c'est fou. Oui. Et du coup, j'ai pu voir Sainte Maude dans de bonnes conditions, sur ma télé, en Blu-ray. Voilà. Et bah, moi j'attends, ça fait un an que j'attends, hein, depuis Gérard May 2020. J'ai l'espoir. Monsieur Castex, Madame Bachelot, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez... En fait, c'est simple, vous mettez devant votre pupitre et vous dites « Nous avons décidé de réouvrir les salles de cinéma. » Voilà, c'est tout ce que vous avez à faire, c'est tout ce qu'on vous demande. Merci beaucoup. Bref, revenons sur The Stylist. Donc c'est l'histoire de... Je sais plus son nom, mais je vais continuer cette phrase pour camoufler le fait que je suis en vérité en train de chercher sur Google. Voilà, c'est bien fait le podcast, hein. Bref, c'est l'histoire de Claire qui est en gros une coiffeuse et qui est obsédée par le fait de devenir quelqu'un d'autre où elle se sent pas très bien en elle-même. Et donc du coup elle est coiffeuse et c'est à dire que quand vous allez vous couper les cheveux, elle prend ça au sens premier et elle vous coupe un peu en dessous des cheveux, c'est-à-dire qu'elle vous arrache le haut de la tête. Elle vous scalpe, en fait. C'est ça, elle vous scalpe et elle se fait une perruque avec vos cheveux. Voilà, génial. Du coup, maintenant, je n'irai jamais chez un coiffeur tout seul. Merci beaucoup, Claire. Et donc, en gros, il y a un jour où y a une cliente à elle qui s'appelle Olivia, qui va se marier et qui lui dit est-ce que tu peux, s'il te plaît, me faire ma coupe pour mon mariage ? Et du coup, elle accepte, non pas sans hésitation. Et donc, du coup, elle va devenir totalement obsédée par cette cliente, si bien qu'elle va aller vachement loin, surtout dans la dernière scène. Où, en fait, la dernière scène, c'est genre, c'est un truc, on se dit, elle va pas le faire quand même. Oh, dis-moi que c'est ça. Et quand elle le fait, on est en mode, putain, yes, c'est à la fois, putain, yes, c'est beaucoup trop bien. Et à la fois... Ah, j'ai peur. Bref, alors c'est un film qui va pas aussi loin que Mosquito State, pardon, dans ses ambiances visuelles, mais qui fait ce truc entre guillemets In the Panda avec beaucoup de LED que j'aime bien. Voilà. Il y a aussi un truc très The New Demon, je trouve, dans les scènes, par exemple, dans les scènes de coiffure où c'est très, bien éclairé, bien suréclairé, entre guillemets. Où il y a une teinte pas jaune, mais... je saurais pas comment décrire, c'est bizarre. Mais j'ai bien kiffé la performance de l'actrice dont le nom m'échappe, mais j'ai la page IMDb, donc je vais la retrouver. Voilà, de Najara Townsend, donc je ne sais pas le prononcer encore une fois. Mais voilà, et j'ai adoré sa performance, elle est vraiment glaçante. Il y a cette scène qui m'a traumatisé, où genre elle va chez je sais plus qui, je crois que c'est une personne random comme ça. Et elle lui dépaisse le crâne et elle le fout en perruque et elle s'assoit dans le canapé et elle se marre comme une enfant devant un dessin animé. Voilà, cette scène vraiment, ça m'a glacé le sang. Sincèrement, j'ai trouvé ça super flippant, franchement. Pour le coup, là, je pense que c'est vraiment un film de festival. Où là, pour le coup, ça aurait mérité vraiment de le voir au festival. J'attends que le moment où ça va sortir en salle et où je pourrai aller le voir avec mes potes. Parce que c'est trop bien, en fait. Voilà, c'est trop bien. En fait, c'est le genre de film où c'est rare que ça me fasse ça, mais où je suis tellement pris dans l'histoire, où je suis tellement à fond dedans que... Genre, je fais même pas gaffe à la mise en scène, au montage, etc. Genre, vraiment, j'étais absorbé dedans. Et j'ai beaucoup trop aimé. Donc voilà, regardez The Stylist, c'est absolument génial. Ouais, je suis grosso merdeau du même avis. Je trouve juste qu'il y a quand même 2-3 longueurs dans le film. Il y a Il y a un léger ventre mou au milieu. Ah, que j'ai pas ressenti du coup, hein, parce que moi vraiment j'étais à fond de A à Z, hein, j'ai vraiment pas ressenti ces longueurs. Ouais, bah, surtout le début est un peu long à se mettre en place. Du coup, c'est pas faux, ouais, c'est pas la faux. La scène d'intro marque, mais les 10-15, voire même peut-être les 20 premières minutes qui suivent la scène d'intro, le film dure 1h45. C'est. Je trouve que ça met quand même vachement de temps à démarrer. Mais oui, il y a quand même des putains de trouvailles dans le film. Et comme tu as dit, la scène de fin est certes un peu prévisible à partir du moment où la scène démarre. Mais, mais quand même, c'est beau. Et d'ailleurs, donc tu parlais de la scène d'intro. Juste pour dire rapidement que la scène d'intro, c'est globalement la reconstitution. Enfin, la scène d'intro et ce qui se passe tout de suite, tu sais, quand on peut le dire, on a dit qu'il y a des PC, des crânes, quand elle va dans scalpé, son... tout simplement, on dit. Oui, qu'elle scalpe, voilà. Enfin, et en gros, dans ce truc où elle scalpe, et que donc après, elle va dans sa cave où il y a les autres trucs qu'elle a scalpé. C'est en fait la reconstitution du court-métrage de la réal dont est adapté le film. Qui est dispo sur YouTube, voilà. Donc n'hésitez pas à aller voir, dispo sur YouTube en HD. Donc en attendant d'aller voir le long métrage, voyez le court, ça peut vous donner envie. D'ailleurs moi quand j'ai vu la maquilleuse qui avait la meuf, donc la maquilleuse c'est le miroir, le grand miroir là, et généralement t'as des lumières autour. Oui. Qu'elle a du coup dans sa cave, ça m'a rappelé le film Cam. Que j'ai pas vu. Alors c'est vraiment cool, c'est sur une cam girl. Donc une cam girl, on va pas expliquer ce que c'est pour les 2-3 gens puceaux qui nous écoutent. Non, mais de toute façon, si vous savez pas ce que c'est une cam girl, vous avez pas l'âge d'écouter ce podcast, je suis désolé. Hein. Mais du coup, qui va un jour ne plus pouvoir se connecter à son compte sur donc son site twitch.boulard, on va dire. OnlyFans. C'est ça, mais en live. En live. Et en fait, elle va se rendre compte que il y a exactement son sosie, vraiment un clone d'elle, qui a pris sa place en lui bloquant ses accès. Et donc, tu suis cette meuf qui va essayer de retrouver le contrôle de son compte et essayer de savoir qui est cette clone, d'où elle vient. Et c'est vraiment cool, Cam. Mattez-le. C'est sympa. Et oui, du coup, j'ai pas grand chose à dire sur The Stylist. Et effectivement, c'est vraiment un film très sympa. Il y a vraiment des scènes assez creepy. Et oui, c'est un des meilleurs aussi de la sélection, en tout cas. On parlera du hors compétition et de la nuit décalée plus tard. Voilà, je suis entièrement d'accord. On va maintenant passer au deuxième film français, au deuxième et seul film français en compétition, puisqu'on va parler de La Nuée. C'est Crazy Business ? Bientôt, il n'y aura plus à bouffer, vous êtes trop cons pour vous en apercevoir. Ça va ? Quoi ? T'as pas l'air bien, là. La Nuée, ça raconte l'histoire d'une femme qui élève des sauterelles afin de les réduire en poudre et de les vendre ensuite en farine. Oui, c'est de la farine, quoi. En farine. Sauf que ça fonctionne pas très bien. Et qu'un jour, par accident, elle va se couper et que certaines de ces sauterelles vont, à la manière d'un Kharis quand elle menace Booba, boire ton sang. Sauf que du coup, ces sauterelles en question qui ont bu le sang de cette mère de famille. Parce que du coup, c'est une mère célibataire qui vit avec ses deux enfants. Les sauterelles en question deviennent plus grosses, plus charnues, plus fertiles aussi. Elles vont plus pondre. Donc la colonie va s'agrandir. Et en fait, le business de sauterelles va commencer à prendre une énorme ampleur Et du coup, cette femme va devoir redoubler de moyens pour maintenir son rythme de production, tout en devant faire face à ses problèmes familiaux, notamment avec sa fille, qui est lycéenne, qui est quasi... Bah, elle a l'habitude de Fiki. Un peu en rébellion. Ouais, ouais, totalement. Et... ouais, qui doit avoir 16 ans, 16, 17 ans, peut-être 18. Oui, oui, dans ces eaux-là, oui. Oui, voilà. L'âge bête. Je t'emmerde. Ça va, j'y suis passé aussi. Moi, c'était plus tard, d'ailleurs, c'était plus vers 17, 18. Connard. Tu sais l'âge que tu n'as pas encore, Hugo. Si, si, bah si, j'ai 17 ans, si, si. Et bah, la nuée, j'ai pas boudé mon plaisir devant. Très clairement, surtout que, ben, on l'a dit, mais le cinéma de genre français, ça grouille de partout, hein, comme on dit, niveau qualité. Alors, ça grouille de partout, c'est parce que c'est le nom du dernier segment de Crip Show, qui est aussi sur des insectes qui mangent des gens, mais c'est des cafards dans Crip Show. Et voyez Crip Show, c'est génial, c'est vraiment génial, c'est... un Romero adapté de Stephen King, c'est magnifique. C'est un film à sketch avec 5 segments. Ça m'intrigue. D'ailleurs, un des segments, t'as Stephen King. Il y a un rôle principal dans le film et il y a un deuxième petit rôle. Mais du coup, le seul rôle du film est joué par Stephen King. Et c'est vraiment cool. C'est un segment qui me fait pas mal rire. Pour le coup. Je trouve que le film reste quand même assez timide dans l'ensemble. Disons qu'il va pas au bout de ce qu'il pourrait faire avec un tel concept. C'est un peu le côté American Nightmare 1. C'est-à-dire qu'on a un concept de fou, mais on l'exploite pas, pas. Quelle merde. J'aime beaucoup American Nightmare. Oh, j'aime pas du tout. Enfin, le 1, j'ai vu que le 1 et j'aime pas du tout. Sachant que j'aime beaucoup la saga American Nightmare, je trouve que c'est une saga qui se bonifie avec le temps. Et vraiment, le 2 est mieux que le 1, qui est... Enfin, le 4 est mieux que le 3, qui est mieux que le 2, qui est mieux que le 1. Pour moi, c'est... j'aime beaucoup cette saga et je trouve que c'est une saga qui se bonifie au fur et à mesure des films, et d'ailleurs, on devrait avoir cette année, du coup, American Nightmare 5, donc The Last Purge, sachant qu'on avait le 4 qui est en fait The First Purge, donc American Nightmare, les origines, et c'est une saga que j'aime beaucoup, mais bref, je dis vague, mais oui, la nuée, c'est assez cool, mais c'est... un concept qui, je trouve, est sous-exploité, je veux dire. Avec un concept d'insectes anthropophages, on peut aller beaucoup plus loin. Bah, je suis à moitié d'accord, c'est-à-dire que je trouve que le... Moi, je trouve que le scénario est bien géré, voilà. Oui, je dis pas le contraire, le scénario est bien géré, mais le film aurait gagné peut-être à zapper certains moments... qui sont un peu des redites d'autres moments du film, et à exploiter le concept un peu plus à fond, comme, bah pour le coup, niveau insecte anthropophage, le segment ça grouille de partout dans Creepshow, sur un médecin, il me semble qu'il est dentiste, mais je suis pas sûr, un médecin qui du coup se rend compte que son cabinet est infesté de cafards, et que... c'est génial, Creepshow. Mais que du coup, les cafards finissent par le bouffer. C'est vraiment un... Je trouve que ça va... Et encore, là on parle d'un segment d'un film à sketch. Hein. Mais ouais, la nuée aurait pu aller plus loin, je trouve. C'est assez timide, en fait. Bah, en fait, moi, je trouve que... que ça manque d'un truc, même si la mise en scène n'est pas mauvaise, hein, je trouve que c'est vraiment au niveau de la réalisation où j'ai manqué d'un truc, en fait, où je sais pas, où je suis resté un peu sur ma faim. Bah, c'est globalement assez scolaire, quoi. Ouais, c'est ça, c'est qu'il n'y a pas réellement de risque, même s'il y a des trucs intéressants, quoi. Puis c'est aussi vachement... De toute façon, dans Gérard Armé, on a eu très peu de films qui sont dégueulasses visuellement. La plupart, c'était vraiment cool. Et La Nuée fait pas exception. Je pense aux scènes avec des flammes, sans trop... voilà, hors contexte. Et même la scène où où tu vois la mère dans la serre, accroupie en train de se faire, Ouais. Mais on va rien dire, on va juste dire en train de se faire. C'est ça, en train de se faire. Non mais de toute façon, en termes de scène de lance-flammes, je ne pense pas qu'on puisse faire mieux que Emma de Pablo Larraine, parce que c'est vraiment les scènes de lance-flammes dans Emma sont absolument fabuleuses. Bref, fin d'anecdote. Ceux qui ont la rêve, je vous aime. Et donc, je l'ai pas. Oh, tu l'as, je suis sûr que tu l'as, mais que ça t'a pas marqué et que. J'ai pas vu le film. Non, c'est pas un film. Emma de Pablo Larraine. Ah. Ah non, mais quand je disais ceux qui ont la rêve, je parlais de fin de l'anecdote. Ah non. D'accord. Merde. Non, j'ai pas vu Emma de Pablo Larraine. Ok, bah c'est génial. Je fais partie des 11 400 personnes à avoir vu ce film en salle et j'en suis fier. Et donc, moi, ce qui m'a beaucoup marqué surtout, c'est que, en fait, j'ai pas ressenti ces faiblesses scénaristiques parce que moi, je m'attendais vraiment à un pur survival, tu vois. Et genre, bah, ça va beaucoup plus loin que ça, en fait. Ça, comme tu l'as dit, ça exploite les problèmes familiaux. Et puis même, ça va un peu crescendo. Enfin, ça va même totalement crescendo. Et je trouve le final grandiose. Et vraiment, c'est un des rares films où pour le coup je me suis dit putain mais vraiment lui j'aurais aimé le découvrir en salle parce qu'il y en a où encore sur un PC ça va c'est tout. Mais vraiment La Nuée c'est un des rares films où je me suis dit putain la salle je vais aller les beaucoup de films dont on a parlé je vais aller les revoir en salle mais La Nuée c'est celui que j'irai revoir en premier parce que j'ai vraiment envie de le découvrir en salle et sinon je dirais que le cast les acteurs vraiment je trouve que c'est le plus gros point fort du film c'est à dire qu'il y en a pas un qui joue faux que ce soit de la mère au petit frère, en passant par le pote, voilà, qui s'appelle Karim. J'aime beaucoup ce prénom. Je te disais que la fille jouait un peu à la façon d'une Garance mariée dans Grave, justement. Ouais, et moi j'ai fait le rapprochement avec la petite dans Logan. C'est vrai, aussi. Et c'est assez marrant, parce qu'elles ont le même prénom, en plus. Voilà, ouais, c'est Laura, je crois. Les deux s'appellent Laura. Ouais. Non, du coup, bah, n'hésitez pas à aller voir La Nuée quand ce sera en salle en 2072. C'est, voilà, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est Jokers. Jokers, bah, encore une fois, gros love sur vous. Même si vous écoutez pas ça. Franchement, c'est un film où vraiment, je me suis dit, putain de merde, pourquoi j'ai pas eu l'idée avant? Fais chier. C'est ce genre de film-là, c'est ce genre de film qui va vous mettre la rage parce que vous vous êtes dit « Putain, j'aurais dû avoir l'idée avant. » Et on l'a pas eu. Et c'est rageant, voilà. Donc, j'ai très hâte de voir ce que va faire le monsieur qui est derrière tout ça, enfin, en termes de réalisation, pas de scénario, qui est juste Philippot. Voilà, donc c'est vraiment son... Ah bon, il a pas de prénom. Alors, c'est... C'est pour le cinéma ou la télé? Ah, pour le cinéma, c'est pour le grand écran, pas pour la petite lucarne. C'est François, c'est juste. C'est François, c'est juste. Et bah lui, c'est pareil, c'est juste. Bref, en fait, c'est son premier long métrage à Leblanc. Avant, il avait fait des cours. Philippot, du coup. Merde. Putain. Oh, tu m'as embrouillé. Oui, à Philippot. Oui, bon, bah, c'est son premier long métrage, pas à Leblanc, mais à Philippot. Et il sortira bien sur le grand écran et pas sur la petite lucarne. Donc, n'hésitez pas à le découvrir sur le grand écran. Oh putain. Il y a, voilà, tout un côté body horror très intéressant. Donc, pardon. Donc, voilà, c'est son premier long métrage, j'ai hâte de voir ce qu'il va faire après. Donc allez voir La Nuée et vive le cinéma genre français et vive Jokers. Voilà. On va maintenant passer au film hors compétition. Ça y est, on a fini de vous parler des films dont on voulait parler en compétition. Et donc, on va commencer par Impetigore. Kesalahan yang harus aku hapus. Alors donc, Impetigore, c'est donc un film dont je voulais parler absolument parce que ça a été une de mes énormes claques. Il faut savoir que j'ai vu tous les films de la compétition en priorité et qu'après je me suis penché vers le hors compète. Et donc, voilà, Impetigore hors compète. C'est un film indonésien, si je dis pas de conneries. C'est une coprode avec beaucoup de pays, mais en tout cas, il est en langue indonésienne. Oui, il est en indonésien et c'est une coprode de Corée du Sud, États-Unis, Indonésie. Voilà. C'est ça, ouais. En fait, c'est l'histoire d'une meuf qui travaille dans un péage. Et y a un gars qui arrive et il est pas très friendly. Voilà. Et il lui dit ouais, vous êtes je sais pas qui. Et en gros, c'est. Votre père, c'était machin. C'est ça. Et en gros, c'est une vie qu'elle avait laissée totalement derrière elle et donc personne n'est censé être au courant. Et donc, elle fait. Elle est au téléphone avec son autre pote qui est dans une cabine pas loin. Et elle est en mode, il me fait un peu peur le mec. Et du coup, elle ferme la vitre. Le mec se rééloigne, revient à sa voiture. Et il revient avec une machette. Voilà. Il revient avec une machette. Il fait un rrrr comme ça. Il lui ouvre la jambe. Et en fait, en regardant dans la plaie qu'il a fait, elle découvre un petit papier. Voilà. Et ce petit papier donc va la mener dans un village. Où a vécu sa famille et où donc elle a une maison. Et en fait, il faut savoir que ce village a une malédiction particulière. C'est que en fait, dans ce village, tous les bébés qui naissent naissent sans peau. Yes. Et donc les habitants du village, notamment, je sais plus, mais en gros un mec un peu un gourou quoi. Pense que pour que cette malédiction se termine, ils doivent buter cette meuf. Si vous avez vu WandaVision, vous savez que if she is the problem, she has to be the solution. Exactement. On en reparlera dans le prochain épisode de WandaVision. Oui. Du coup, c'est un film qui m'a provoqué des sensations que j'avais pas vues depuis, que j'avais pas eues depuis Midsommar. C'est vraiment dans le même délire de trucs malsains, de sensations de mal-être où tu n'es pas bien, clairement. Je trouve qu'il y a c'est une photo qui arrive à se démarquer du reste de ce que j'ai pu voir en tout cas sur ce Gérard Armé et qui n'est pas forcément le type de photo que je préfère en général mais qui offre des tableaux absolument magnifiques je trouve je pense notamment à au tableau où tu sais il fait ses trucs de marionnettes et t'as l'histoire où après t'as pour ne pas trop spoiler où t'as des nuances de rouge voilà. Voilà, ça c'est un tableau absolument magnifique. C'est bien parce qu'au début, on est vraiment dans le truc... En fait, c'est bien construit. Il y a des éléments qui sont là petit à petit. Donc, il y a un vrai truc aussi de suspense, de mystère. Où ça va être limite une enquête, quoi. Et où on va avoir les éléments qui arrivent petit à petit. Et c'est super bien construit. Et je trouve, pour n'avoir vu, je crois, aucun film indonésien, que les acteurs sont franchement convaincants. Franchement, super convaincants. Et il y a un truc qui me fait toujours bader dans les films, c'est quand le réalisateur scénariste, te dit « Eh ben en fait, ce film, je l'ai fait parce que je me suis inspiré d'un de mes cauchemars. » Ça me fait fortement bader. Et c'est exactement ce qui s'est passé pour Impetigore, c'est exactement ce qui s'est passé pour It Follows. Voilà. Et c'est deux films qui me terrifient. Et je trouve que, encore une fois, on parlait du manque de couilles vis-à-vis du cinéma de genre en France. L'Indonésie en a, parce que c'est le film qu'ils ont envoyé aux Oscars 2021. Voilà. Donc bravo à l'Indonésie. Bravo, le jour où la France enverra un film de genre aux Oscars. C'est pas près d'arriver, clairement. Et c'est vraiment un film, pareil, qui arrive à passer entre tous les genres, qui arrive à être horrifique, qui arrive à être original dans sa mise en scène, qui sait très bien gérer son côté mystère, et que j'ai absolument adoré, et qui est un de mes coups de cœur, et lui, pour le coup, vraiment, ça fait partie, je pense, de celui que j'ai encore plus envie de revoir en salle avec La Nuée, rien que pour le côté ambiance. Voilà, je te laisse la parole. Alors, pour le coup, j'avais une légère appréhension parce que j'avais vu, à l'heure actuelle, avant Impetigore, 4 films d'horreur indonésiens dans ma vie, dû à l'ennui provoqué au premier confinement où j'ai passé le premier mois seul, ce qui est handicapant pour tout ce qui est interaction et santé mentale. Mais ça va, Je m'en suis bien sorti. Du moins, j'en suis sorti. Et du coup, Impetigore, donc les quatre films d'horreur indonésiens que j'avais vus avant ça, c'était la trilogie The Doll, donc avec The Doll, The Doll 2 et Sabrina, le 3, et Kuntilanak, qui était... Bleh. Voilà, il n'y a pas d'adjectif, donc je dirais... Alors j'avais une légère appréhension en commençant Impetigore, et au final, c'est vrai que c'était vraiment bon, Impetigore. Perso, j'étais pas si mal à l'aise que ça, j'étais pas si flippé que ça devant le film. Je vais l'avouer, c'était... J'ai trouvé le film sympa, je trouve pas que c'est un chef-d'œuvre ou quoi, mais je le reverrai sans déplaisir, je pense. Et pour le coup, niveau mise en scène, il y a des trouvailles assez ouf, notamment la scène des 50 nuances de rouge. C'est bien dit. Et oui, niveau scénario, ça, c'est quand même plutôt cossu. On va dire plutôt cossu. Oui, après, j'ai pas énormément de choses à dire. C'était un bon film devant lequel j'ai passé un bon moment. Mais. Et que je reverrai bien. Mais. Ça va pas beaucoup plus loin, en fait. Et bah, apparemment, j'ai beaucoup plus apprécié le film. Mais c'est pas grave. Oui, bah, clairement pas. Au contraire. Non, je rigole. non. Loin de moi l'idée de dire que les films que j'aime sont les meilleurs. Au contraire, c'est vraiment de la subjectivité. Et j'ai conscience que beaucoup de films que je place dans mon top 10 ne sont pas les meilleurs films, loin de là, mais je m'en branle et je les aime. Voilà. On va maintenant passer au deuxième film hors compétition qu'on a retenu, parce qu'on en a retenu que deux, à savoir Les Animaux Anonymes. Les animaux anonymes. Alors, est-ce que je suis censé faire une blague sur les alcooliques anonymes déjà ? Si tu veux, hein, libre à toi. Bah, c'est un mélange entre les animaux fantastiques et les alcooliques anonymes, non ? Un peu. Bah, voilà. Dans ce cas, j'ai hâte de voir ce film. Moi aussi. Alors, c'est l'histoire de Norbert Dragono qui se prend une cuite. Non. Alors, bonjour, donc... moi c'est Norbert et ça fait aujourd'hui 17 jours que je suis sobre. Bonjour Norbert. Bonjour Norbert. On l'applaudit, putain, on applaudit. Bon, bref. Merci. Alors, Les Animaux Anonymes, c'est un film de Bastien Rouveur. Rouveur ? C'est quoi ce nom de merde ? Donc, un film français, un film de genre français. Un film français ! Un film français, monsieur, dame. Un film de notre pays tricolore. Un film du terroir. Et donc, c'est clairement un film à concept de une heure. Qui nous dit qu'est-ce qui se passerait. Qui nous dit go vegan. Oui, qui nous dit go vegan, forcément. c'est un film donc, qui nous interroge sur la place de l'animal dans la société en nous disant qu'est-ce qui se passe si on inverse la place de l'homme et la place de l'animal. Et donc, globalement, on voit des humains qui vont se faire, entre guillemets, apprivoiser par les animaux. Ça peut être utilisé donc, comme des animaux, comme des humains de compagnie. Ça peut être pour l'élevage, que ce soit pour la viande, que ce soit pour la chasse à court. Tout ça, en fait, on sera du point de vue des humains. À base de combat de chiens. Exact, ouais, aussi. Ça, je savais pas vraiment comment le formuler, mais merci du coup. Donc c'est vraiment un film à concept, on n'a pas vraiment une histoire, on a plutôt différentes scènes, différents lieux, différents contextes en fait. C'est ça, c'est limite un film à sketch en fait. Ça, c'est limite un film à sketch dans lequel on a plusieurs points de vue, donc t'as le point de vue de l'humain qui est un peu comme un chien qui est abandonné au bord de la route et puis qui va qui va être nain, voilà, qui va se faire adopter par un chien, et le chien va le nourrir, etc. Puis et après, les humains dans l'abattoir aussi. Les humains dans l'abattoir, qui est pour moi le passage le plus horrible. Les humains qui sont en train de faire la partie, qui sont en plein milieu d'une partie de chasse, qui sont chassés par un cerf. Ouais. Donc voilà, c'est clairement une inversion, c'est-à-dire les cerfs qui sont chassés sont les chasseurs. Le film a une mise en scène assez particulière, c'est vraiment beaucoup de caméras à l'épaule, beaucoup de caméras tremblantes, un peu comme si c'était filmé sur le vif, comme si c'était un peu caméra au reportage en fait. Ouais, ou alors filmé par un homme qui a Parkinson. Ouais, et en fait du coup on est vraiment du point de vue des humains, et comme si c'était un film limite documentaire en fait, comme si on est vraiment ancré dans une réalité en fait, qui est absolument atroce. Le film est ultra sensoriel, il y a pas de parole pendant le film, on entend juste des humains en train de pleurer, en train de faire des bruits parce qu'ils peuvent pas parler, et on entend des bruits d'animaux qui communiquent entre eux. C'est absolument terrifiant, c'est un film qui fout mal, qui fout un coup de poing dans les tripes, c'est un film prenant, c'est un film violent même. Voilà. Je l'ai pas vécu comme ça. Tu l'as vécu comment ? Je l'ai vécu. Ok, on en parlera après. Ouais. Et le truc c'est que en fait, moi je pense que si ce film m'a touché à ce point et en a fait, je pense, mon film favori de la sélection, c'est parce que ça parle donc, ça me parle à moi en fait, directement. Parce que j'ai toujours été un très très très grand défenseur en fait de la cause animale, quitte à, je suis d'ailleurs végétarien, et voilà, pour moi j'ai toujours eu beaucoup de mal avec la cruauté des humains envers les animaux, et j'ai l'impression en fait que c'est un film qui confirme un peu tout ce qui me met mal en fait là-dedans. C'est un film qui pour moi en fait qui représente un peu mon état, ma façon de penser par rapport au monde, par rapport aux animaux, etc. Et donc ouais, raison de plus pour être touché par le film, et raison de plus pour trouver le film absolument glauquissime. C'est ça, le film est glauque. J'ai passé une heure de film sans pouvoir me décoller de l'écran, même si c'était sur mon téléphone, sachant que sur mon ordinateur, souvent je suis assez distrait, tu vois, je peux c'est pas comme si j'étais sur voilà, quand je regarde un film sur ordinateur, je peux être plutôt distrait des fois, mais là vraiment j'arrivais pas à décoller mes yeux, j'avais mal à cligner les yeux tellement le film il m'absorbait, et j'ai eu du mal avec ce film. Il m'a blessé, c'est il m'a touché. Montre-moi où est-ce qu'il t'a touché sur cette poupée. Non, voilà, il m'a bien foutu mal, quoi. Et j'ai vraiment beaucoup, beaucoup aimé. On est vraiment sur un film ultra réaliste, ultra froid aussi, clairement. On peut le dire. Et ultra frontal. C'est pas un film qui va faire des compromis. C'est un film qui est pas un film joyeux. C'est un film que tu te prends dans la gueule. Voilà. T'en as pensé quoi, toi, Roman, du coup ? Alors, bah déjà, je tiens à dire que le soir où j'ai vu le film, je me suis fait un burger. Oh merde. Voilà. Le truc, c'est que... je suis un fils de pute de carniste, donc... ouais, la cause animale, genre... C'est pas bien de faire du mal aux animaux. Genre, je suis d'accord, les combats de chiens, tout ça, c'est pas ouf. Et chasser juste pour chasser pour le plaisir, c'est pas ouf non plus. Mais... mais c'est bon un steak quand même. Et oui, mais ça je suis d'accord avec toi, Roman. Je tiens à dire, on va pas faire de débat en mode enculé de carniste, parce que moi, dans ma famille, il y a quasiment que des carnistes, et moi je respecte beaucoup ça. C'est juste, tu choisis de pas bouffer de viande si t'as pas envie de bouffer de la viande, et c'est tout, t'as pas imposé ton choix aux autres. Donc, ouais. Oui, mais le truc c'est que du coup, le film aborde des thématiques qui me touchent pas spécialement, et il y a certains trucs qui m'ont quand même fait. Qui m'ont fait sourire très fort ou même rigoler dans les costumes notamment. Oui, ils sont un peu cheap, mais bon. Mais arrête, franchement, c'est quoi ? C'est le. Je sais plus lequel c'est. L'ours. Si c'est le taureau ou si c'est le cerf, t'as vraiment l'impression que. Bah, limite, tu distingues la tête du mec sous la tête de cerf. Oui. Non, le film est fauché, le film est putain de fauché. le film est fauché. Mais pour le coup, le film est quand même... c'est une expérience, disons. C'est bien, non. C'est un peu... Ça m'a rappelé dans l'ambiance, c'est un peu le... The Head Hunter. Oui, clairement. Qui était... Je... C'est pas le genre de film que je vais, où je vais kiffer devant, mais clairement, c'était sympa, disons. Je trouve vraiment pas que c'est un chef-d'œuvre. Si vous voulez, je parle de The Head Hunter dans le dernier épisode, dans l'épisode 4, du coup. Oui. Mais du coup, ouais, c'est pas un film qui m'a touché au plus profond de moi. Je sais pas ce qui t'a touché, Roman. Dans mon cul, au fond, mon cul. C'est l'ours qui t'a pris le cul. Le cerf. Oh. Avec non, ses... quand même pas. Avec ses bois. T'as fini avec le film, Roman. Ouais, j'ai pas grand chose à dire sur le film, vraiment. C'était pas un mauvais moment, c'était une expérience addictive, disons, mais... C'est rigolo, en fait. Non, c'est pas... non, le film n'est pas rigolo, c'est pas ça que je voulais dire. Mais ce qui est rigolo, c'est que moi, je me situe entre vous deux. C'est-à-dire que, comme Roman, je suis pas spécialement... Enfin, j'aime la viande, quoi. Très clairement. Non, mais très clairement. voilà, il n'y a pas de... Mais... En fait, c'est-à-dire que j'aime la viande, mais enfin pour moi, en fait, c'est-à-dire que l'homme, pour on va pas faire un débat, mais l'homme a toujours vécu en bouffant de la viande, tu vois, même à la préhistoire et tout. Sauf qu'à la préhistoire, l'homme ne, enfin les animaux que l'homme mangeait n'étaient pas élevés dans les conditions dans lesquelles ils sont élevés aujourd'hui, et voilà. Et c'est ça qui me dérange, en fait. L'homme à la préhistoire, il se posait pas non plus de questions sur le consentement. Hein. C'est vrai. Oui, mais ça veut dire, que depuis la préhistoire, mec, t'as pas évolué. Il y a une différence entre un besoin naturel et voilà, manger c'est un besoin naturel, l'homme de base de nature est omnivore, donc voilà. Mais moi ce qui me dérange vraiment c'est la maltraitance et les conditions dans lesquelles sont élevés les animaux. Bien sûr, bien sûr. Et donc en fait c'est à dire que voilà, même si je ne suis pas au point de Judith, j'ai vraiment vécu le film comme lui. C'est à dire que j'ai trouvé ça vraiment éprouvant à regarder, le fait de foutre l'humain à la place. En fait, j'espère que il faudrait en fait genre vraiment mettre tous les humains du monde devant ce film et tu vas leur faire un coup à la Orange Mécanique, tu sais. Genre tu prends le truc, tu ouvres bien grand les yeux comme ça, tu mets des petites gouttes de temps en temps et tout ça pour dire regarde ce que tu fais, connard. Là, on va faire une double feature avec les animaux anonymes et Ogja, hein, clairement. Ogja d'ailleurs est une des raisons pour lesquelles je suis végétarien, bonjour. J'ai pas encore vu Ogja. Moi non plus. Mais à un moment donné, ça m'a rappelé l'épisode des Simpsons où Lisa devient végétarienne. Et vous savez, elle est chez elle, il y a toute sa famille qui mange des côtelettes d'agneau. Et elle voit l'agneau qu'elle avait vu à la ferme plus tôt. Et genre oui. Vraiment, avec l'écho de série, mange-moi Lisa, mange-moi. C'est un film que je trouve, genre, sincèrement, c'est une prouesse en fait. Parce qu'il n'y a vraiment pas de dialogue. Les seuls bruits, c'est ma concept. Oui, c'est ça. Mais genre les seuls bruits qu'il y a de c'est quoi, c'est de la musique, c'est les bruits des animaux, c'est les humains qui sont totalement paniqués. Ah bah en fait je dis qu'il y a de la musique parce que j'ai lu le dossier de presse du film et j'ai vu qu'il avait été primé pour sa musique, même si je m'en souviens pas. Voilà. Bon, apparemment il y avait de la musique. Apparemment il y avait de la musique. Oui. Okay. Et il faut savoir que même si je n'ai pas vu ce film, c'est un film qui globalement est assez similaire au film The Farm, qui reprend à peu près les mêmes personnages, qui reprend le même concept, voilà, et qui apparemment est pas du tout bien, c'est-à-dire que sur Sens Critique il est vraiment noté 4/10. Encore ce putain de carniste qu'on pouvait la note. Non mais tu vois, je pense que les animaux anonymes, bon en vrai ouais, la note IMDB elle est de 5.3/10. En fait, c'est un peu trop spécial, je pense, pour que les gens notent bien. Mais effectivement, c'est un... Je regardais Taxi Driver et là, j'ai vu ce film. Je comprends pas, moi. J'ai vu le cinéma, c'est pas ça, moi. Le cinéma, c'est Tarantino. Le cinéma, c'est... Le cinéma. C'est Scorsese. Et moi, je ne comprends pas. C'est pas ce putain de mec à poil qui met de la viande. Je ne comprends pas. D'un coup, je regardais Iron Man qui claque des doigts avec des pierres. Et d'un coup, je me retrouve devant un cheval, devant des seaux remplis de sang. Je ne comprends pas. En plus, ce cheval, on dirait un humain. Le gorilla, il a dit non, mais vous voyez, il n'y avait pas d'explosion, c'était merdique. Ah, mais Rage le Gorilla, il mériterait d'être à la place des humains dans le film. Alors, non, je suis pas d'accord. Rage le Gorilla, il mériterait pas d'être à la place des humains dans le film. C'est parce que Rage le Gorilla n'est pas un humain. Ah, mais. Alors, le fait qu'il soit à la place des humains ne veut pas dire qu'il est humain. Alors, moi, je préférais qu'il soit à la place de Okja dans le film Okja, dans la scène où elle se fait enculer. Ah, bon, j'allais dire, j'ai pas vu Okja, mais au moins, c'est clair. Ouais, vraiment, c'est un film, ça fait, attention, vous êtes prêts, phrase de Télérama, c'est un film coup de poing, c'est vraiment un film coup de poing, un film et qui, et B, un film déjà culte, c'est ça, un film déjà qui, et moi, le film, non, du tout, non, mais vraiment, un film coup de poing, dans le sens, tu te manges un coup de poing dans la gueule en le regardant. Bref, bon voilà, je vais pas épiloguer, franchement Ulysse, tu as très bien développé, et en plus bah, le fait que ce soit une cause qui te tienne à cœur fait que ta critique en est d'autant plus bonne. Ouais, voilà. Burger était très bon aussi d'ailleurs. L'enculé. C'est-à-dire que moi aussi je mange des burgers sauf qu'il n'y a pas de viande à l'intérieur. Et c'est vachement bon en plus, je tiens à dire. Encore les burgers, je vous ai conseillé. Les burgers avec des steaks de haricots, c'est super. Du coup oui, encore une fois, je vais me permettre d'apporter un peu de nuance. Il y a juste un truc qui m'a dérangé, c'est que, après moi je suis très sensible à ça en termes général, hein, pas seulement dans ce film, c'est que j'ai trouvé certains passages un peu surcutés, voilà, mais sinon j'ai vraiment rien à redire, voilà, tout a déjà été dit par mes deux compères, voilà. Je veux dire, le film m'a fait penser un peu à Sloxered Vomit Dolls. Que je n'ai pas vu, et que je ne suis pas prêt de voir. Non mais en termes de mise en scène, c'est la même chose, hein, c'est-à-dire c'est un nain Alain Carr-Parkinson qui filme. Sauf que dans les dans les deux films, tu finis en lambeau. Bon, pour des raisons différentes. Quand tu regardes Les Animaux Anonymes, t'es en lambeau parce que tu dis « Putain, les humains, c'est vraiment de la merde, on va mieux tous crever. » Et quand tu regardes Sloxford Vomit Dolls, c'est en mode « Putain, il a vomi dans une bouteille et il a tout bu, et c'est même pas une scène qui a été stimulée. Oh. » C'est comme quand tu regardes l'autre boy et que tu fais « Putain, il a mangé un poulpe vivant. » Ah, mais ça se fait vraiment au Japon. Mais c'est dégueulasse. Enfin, en Corée. Ça, on s'en fout, c'est la même chose avec les bridés, là. On va tout de suite enchaîner pour paquet de... T'es mis les Chinois d'eau, là. Chut, on va tout de suite... N'aggrave pas ton cas. On va tout de suite passer à une nouvelle catégorie de ce festival de Gérard May, qui est la nuit décalée, oui. Et donc, du coup, bon, bah, Roman, tenez... beaucoup à parler des trois films de la nuit décalée, donc on va y aller. Et on va commencer par Psycho Gorman. Your planet will be torn to pieces, and I will Mimi, treat your cock screams as I rip. Is this yours? Speak? Oh my god. The gem of Paraxenite. Whoever wields it is able to command me. Go over there, and wait for us to come back in the morning. You will suffer an eternity for this. Alors on va commencer par mon film préféré de tout Gérard May, très clairement. Cette année, c'était lui le top du top. Psycho Gorman. Donc Psycho Gorman, ça raconte l'histoire de deux frères et sœurs qui découvrent dans leur jardin une sorte de réceptacle à monstre, ceux qui ne le savent pas en le déclenchant, qui va révéler du coup un monstre. Je ne sais plus si on ne connaît pas le nom ou si ils le disent et que je m'en souviens plus. Ils le disent et on ne s'en souvient plus. Ok, mais qu'ils vont du coup surnommer Psycho Gorman ou PG pour les intimes. Et en fait, la petite, la sœur, détient une gemme qui fait que Psycho Gorman doit lui obéir. Alors, c'est génial. C'est putain de génial. Oui. C'est un Power Ranger sous acide puissance 1000. C'est beaucoup oui, trop bien. Et oui. C'est beaucoup trop bien, Psycho Gorman. C'est exactement ça. C'est un épisode de Power Rangers beaucoup trop, qui va beaucoup trop loin. C'est génial. Mais putain, les costumes... Putain, les costumes, l'humour, le design. D'ailleurs, apparemment, vers la moitié du film, le Psycho Gorman, justement, a un chapeau, des lunettes de soleil et une chemise. Apparemment, ce serait inspiré de Alan Grant dans Jurassic Park. Ça te saute pas à la gueule quand tu regardes le film, disons. Oui. Mais après, c'est clair qu'on est plus proche d'un mec qui est plus proche d'un Gremlins passé au micro-ondes que de Sam Neill. Mais en même temps, putain, c'est trop bien. Donc on est sur de la comédie d'horreur science-fiction. J'adore ce sous-genre. Enfin, juste, Matty Killer Clowns. Oui, putain. Non, vraiment, Matty Killer Clowns. Matty putain de Killer Clowns, bordel de merde. C'est génial. Et donc, sauf qu'il y a une menace alien qui va planer parce que du coup, les hautes autorités qui ont enfermé Psycho Goreman dans cette sorte de réceptacle sont au courant qu'il est revient dû. Et du coup, comme dirait Deadpool, j'en connais qui vont chier liquide. Et c'est ce qui se passe dans le film, du coup, parce que une alien, parce que c'est l'alien à la voix d'une femme, débarque sur Terre, l'alien va arriver et va vouloir défourailler des culs par paquet de 18 et sans enlever l'emballage. Alors, c'est trop bien. Hugo, un truc à rajouter peut-être ? À part que c'est trop bien et c'est génial. Franchement, qu'est-ce qu'on peut dire de plus ? C'est absolument, mais barré, c'est n'importe quoi. Est-ce qu'on en parle du fait que l'alien le transforme le crush de la gamine en cerveau géant ? Évidemment qu'on en parle. Évidemment qu'on en parle. C'est genre, c'est... En fait, c'est... ce qui me fascine, c'est que c'est tellement con, mais c'est tellement bien. Genre, tu vas te dire, ils peuvent pas faire plus con et plus absurde, et à chaque fois, ils le font. Et j'ai pris un pied monstre devant, j'ai rigolé. C'est génial. Franchement, regardez, je sais pas quand et comment ça sera disponible en France, mais regardez-le, c'est putain de génial. En mars, il y a un Blu-ray américain qui va sortir, donc pour ceux qui comme moi, ont des lecteurs multizone, foncez. Parce que c'est trop bien, battez-le. Dans sur Allociné, il marque prochainement, donc a priori, ce serait de la salle. Putain, je vais tellement aller le revoir avec des potes et rigoler très très fort. Y a une scène surtout qui m'a fait extrêmement rire. C'est que, donc en gros, au début, le frère et la sœur trouvent là où est enfermé Psycho Goreman, du coup, il y a une sorte de mot de passe avec des boutons à trouver. Et genre, la gamine trouve ça en disant « Mini, mini, mini, mo » et après, t'as l'espèce de conseil galactique. C'est un mec qui dit « Mais comment ils ont pu le libérer seul, un cerveau extrêmement avancé aurait pu trouver la solution pour l'ouvrir ?» J'ai un truc qui m'est revenu, vite fait, ça a popé dans ma tête. Il y a un truc où vraiment j'ai trouvé que c'était génialement maîtrisé, c'est les ruptures de ton. Putain, qu'est-ce que c'est drôle. Je pense à une scène où j'ai vraiment tapé un énorme fou rire, où elle fait... Ou genre, je sais plus, où elle doit faire un... Elle a vraiment un dilemme, la petite. Et donc, elle se met devant une croix et commence à prier. Elle fait « Seigneur, s'il te plaît, guide-moi. Je dois vraiment faire un choix, je sais pas quoi faire. S'il te plaît, aide-moi à choisir la paire de lunettes de soleil que je vais mettre. » Et j'ai éclaté de rire. Des ruptures de ton comme ça, il y en a, mais des beaucoup, énormément. Et c'est génial, voilà. Regardez Psycho Goreman. Un autre petit fun fact. Vas-y, dis-nous. La planète dont est originaire Psycho Goreman s'appelle la planète Gygax, qui est une référence à Donjons et Dragons, en fait, dont le créateur... Merci IMDB. Dont le créateur s'appelle Gary Gygax, donc voilà. S'il y a des rôlistes parmi nous, vous apprécierez sûrement la référence, du coup, en regardant le film. Donc du coup, maintenant, on va passer... au deuxième film de La Nuit Décalée, il y en aura un autre derrière, mais voilà. On va maintenant parler de Cyst. Is there an exit? Not exactly. He didn't build an exit? Let's blast this thing. Patricia, you're not going out there. I'm not going to let him die. C'est l'histoire d'un docteur un peu trop fou qui en gros, bah, cyste, ça veut dire kyste en français, c'est la traduction pour kyste. Et il a en fait créé une machine pour enlever les kystes, sauf que ça ne les enlève pas, au contraire, et que ça en fait des gros monstres tout dégueulasses. Voilà, au contraire, ça les agrandit encore plus, et ces monstres, ils se nourrissent de gens en plus de ça. Donc ça se passe, si je dis pas de conneries, dans les années 60. Si on est dans toujours ce truc de un peu horreur, comédie, science-fiction. Bon, c'est moins barré que Psycho Goreman, mais ça va quand même vachement loin. J'ai grave kiffé l'esthétique des années 60 qui était présent. Faut savoir que moi, je suis quelqu'un qui n'a pas beaucoup vu de série B, mais je trouve ça très plaisant. Vraiment, en fait, tous les films de Nid Décalé globalement, hein, mais j'ai pris un pied monstre devant. J'aurais du mal à développer encore une fois. C'est vraiment le genre de film où, pour citer, je sais pas si vous aurez la ref encore une fois, mais le divertissement, c'est important. Voilà. Je sais pas qui a la ref, mais c'est pas grave. Mais donc du coup le divertissement c'est important, et ça c'est bon, comme tous les films de Nuit Décalée, hein, c'est le genre de film que je veux voir avec des potes et en rigolant très très fort, et il y a quand même, je trouve, intéressant. Et alcoolisé, oui, bien sûr, évidemment, ça va de soi, ça, j'ai pas précisé, mais voilà. Et en gros, il faut savoir que c'est marrant parce que malgré le fait que ce soit extrêmement con, extrêmement drôle, bon bah déjà le monstre est bien géré, je trouve qu'il y avait une bonne mise en scène, etc. Mais je trouve que le film arrive quand même à donner une vraie personnalité au personnage, que ce soit l'infirmière qui, en gros, on sent que elle est là depuis longtemps, elle en a ras le cul, qu'elle veut se barrer, mais que bah faute de mieux, elle reste là. Et le docteur totalement savant fou, qui est vraiment un connard. Et putain, quand il prend cher, c'est jouissif. Voilà. Je vous laisse enchaîner. Déjà, on va dire, le monstre me fait penser aux heures les plus sombres de l'animation japonaise. C'est absolument horrible. J'ai l'impression de me trouver dans un hentai bizarre. Le film, il est gorgé de pu, de merde, de sang, de trucs dégueulasses de partout. On dirait que, franchement, j'ai pas envie d'être l'équipe de nettoyage du film. Genre, vraiment. Et bordel de merde, je tiens à dire, le savon fou, on dirait une version cocaïnée de Jack Nicholson. Je suis désolé, mais c'est totalement ça. Tu veux parler du docteur Guy ? Le docteur Gay, là ça commence un peu à être défoncé, c'est pas plus. Alors, le truc, c'est que j'ai pas trouvé le film absolument incroyable. Disons que je suis un peu habitué aux séries B et aux gros nanars série Z à la con. Me fait penser un peu au film L'attaque des donuts tueurs, en fait, dans le délire. Oui, de merde. Vrai, actuellement, je porte un chef-d'œuvre. Un t-shirt de ce chef-d'œuvre que ma copine m'a offert pour Noël. Je le porte en ce moment même au moment d'enregistre. Ça veut dire que tu as bien choisi ton weir. Alors, hop, putain, à quoi j'y vais en mangeant, putain. Alors. Mais également du coup sur un film vraiment série dans les années 60, un peu diner américain années 50-60, avec tous les caricaturés à mort, les personnages qui sont des parodies d'eux-mêmes, ça part en mode Final Girl, ultra badass à la fin. C'est un film qui est rempli de clichés, mais à la fois il est à mourir de rire. Je me souviens des scènes où t'as le docteur Guy qui fait ses déclarations à l'infirmière et tout, en mode je vous aime et tout, ça me fume de rire. Mais voilà, je suis peut-être un peu habitué aux séries B, mais j'ai trouvé le film pas si génial que ça, au final. Même s'il y a beaucoup de scènes qui m'ont fait délirer, genre quand t'as la porte qui se referme sur le cyste du mec, là. Oui. Ah, c'est très très drôle. Mais voilà, j'avais l'impression de mater un gamin de 5 ans qui jouait avec son cul et son caca, et moi ça m'a fait marrer. Oui, bah, contre, c'est ça. Je disais, Hugo, du coup, t'as pas vu beaucoup de nanars, séries B et tout, je te conseille beaucoup de regarder La course à mort de l'an 2000, qui est un de mes films préférés. Donc, c'était une belle connerie. Le producteur est fou, les acteurs sont fous, le réalisateur est fou, et je suis fou. Mais ce film me fait délirer. Voilà. Ça me rappelle dans La Cité de la Peur, quand elle essaie de faire la promo de Red Is Dead et qu'elle dit à Valérie Le Mercier, j'ai personne pour faire la promo, hein. Le réalisateur, il est à l'asile, le producteur, il est en tôle. C'est grave ça. Et l'acteur ? Ah, l'acteur, il est libre, je crois qu'il a rien fait depuis. Je vous imaginez les gros titres. L'acteur de Resident Evil descend regarde au péril de sa vie. Je lui avais dit qu'il fallait vendre la caravane. J'entends encore Banco, un vrai capricorne celui-là. Eh bah écoute, Roman, pour conclure sur Syst. Bah, c'est un bon gros délire complètement débile. C'est le dernier film en plus que j'ai vu de la sélection. Parce que, c'est tout. Hasard du visionnage du coup. C'est le dernier film que j'ai vu de la sélection. J'ai venu d'enchaîner quand même les deux films de la nuit décalée. Impetigore et Les Animaux Anonymes. Et donc j'étais fatigué. Tu m'étonnes. Et mais putain, c'était trop bien. Enfin, je veux dire, plus c'est débile, plus j'aime bien. Et du coup, enfin, quand le délire est assumé, bah, pour moi c'est juste du kiff avec du pu. Et non, derrière le pu, c'est pas trop mon délire, je vous le cache pas. Ah bon ? J'adore, je me roule dans mon pu. Oh putain, dégueulasse. Je prends des douches de pu. Mais là, le délire est bien fait. Ça se prend pas au sérieux. Franchement, allez-y quoi. Allez-y. Ça vous coûte quoi ? Allez-y. Mais regardez aussi les deux Mathieuses. Regardez aussi les deux Mathieuses. Et la moussaka géante. Bref, moi je finirai quand même en disant que. Malgré toutes les qualités qu'on a pu trouver, c'était mon moins préféré des trois, mais que bon, j'ai quand même bien aimé. Voilà. Oui, c'est celui que j'aime le moins de la sélection de la vie décalée. Oui, moi aussi. Mais quand même. On va maintenant enchaîner sur le dernier film de cette nuit décalée, à savoir Slax. Are you afraid there's a killer out there? Yeah. This summer. Get ready for Slax. Okay, so we know two things. It loves Bollywood music, and it has a bindi on its forehead. Et du coup, je vais laisser la parole à Roman pour commencer sur Slax. Alors, vraiment, vous préférez Slax à Psycho Gorman ? J'ai pas vu Psycho Gorman, donc... Toi, ouais. Hugo, tu préfères Slax à Psycho Gorman ? Oui. Okay. Merci. Il y a pas un grand écart. Hein. Il y a pas un grand écart, mais oui. Oui, c'est clair, mais pour moi, parce que Gorman reste au-dessus. Bref. Donc, Slax, ça raconte l'histoire. Dis-le. En deux mots commençant. Just say Jean, it. Tueur. Voilà. Voilà. Donc, on part sur des jeans tueurs. Dans un magasin de vêtements très progressiste. Le foutage de gueule sur le progressisme, ça m'a fait oui, tellement oui. Marrer. C'est génial. Et donc des djinns qui vont tuer les gens qui sont enfermés dans le magasin parce que c'est la nouvelle collection et donc on n'a pas le droit d'ouvrir le rideau de fer et donc de laisser entrer les flics avant l'ouverture du magasin, évidemment. Donc le personnel qui bosse là-bas est toute la nuit avec les jeans tueurs. Et alors, c'est un bon gros délire aussi, même s'il y a quand même des messages derrière. Donc déjà, sur... Le Cinemajor, ça a toujours eu souvent eu des messages de... Oui. Peut-être pas sur... Voilà, mais il y a toujours des fois des messages de fond, où c'est sûr qu'on peut le délire, c'est plutôt intéressant. Genre, c'est par sûr. Exemple, beaucoup de films de genre totalement débiles qui dénoncent des trucs. Genre, par exemple... Street Trash et tout, quoi. Ça paraît totalement con, mais ça dénonce trois trucs, quoi. Oui. Bah déjà, la précarité... La putain de précarité dans des grandes villes aux États-Unis, du coup. Qui... Oui. Ou aussi la guerre du Vietnam, aussi. Ça parle un peu des vétérans de la guerre du Vietnam. Bah, c'est un peu lié, les deux. C'est un peu comme Rambo qui revient du Vietnam et qui... Et en gros, personne ne veut lui parler parce que ils ont rien contre lui, mais ils rejettent ce qu'il représente, en gros. Oui, clairement. Voilà. Mais du coup, donc Slax aussi critique de la du manque de transparence, on va dire, des entreprises qui des entreprises de textile, critique du coup de des conditions de travail des employés. Donc là, c'est en Inde. Des employés. Des esclaves. C'est des gosses, hein. Des esclaves, pardon. Le mot semble très proche. Dans les deux mots, il y a des lettres, c'est pour ça. le marketing abusif. Et bref, c'est complètement débile, mais avec un petit message derrière, ce qui ne fait pas de mal. Mais c'est juste jouissif, niveau délire, juste voir des jeans tueurs et surtout la danse du jean tueur. Mais je voulais le dire. Vu que c'est un jean indien, et ben qu'est-ce qui se passe? Il danse sur quoi? Je laisserai Hugo le dire après. Oui. Et surtout le générique à la fin où on voit comment ça a été fait. J'allais le dire aussi, putain. Bref, donc... Slax, c'est un énorme délire sur des jeans tueurs, quoi, sérieusement. Est-ce qu'on a besoin de dire plus que jeans tueurs pour encourager les gens à voir ce film? Non, ça suffit. Non. Jean tueur, message politique. Jean tueur. Ah, pour le coup, je vais prendre la suite parce que je boude d'impatience de parler de ce film. Putain, oui. En fait, c'est-à-dire que c'est un film qu'on avait repéré. Il faut savoir que La Nuit Décalée n'a été disponible qu'à partir de samedi 22h. Donc le festival s'est tenu de mercredi à dimanche. Et ça a été disponible qu'à partir de samedi 22h. Et on l'avait repéré même avant que le festival commence. Et donc, ce qui fait que samedi à 22h, je me suis jeté dessus. Mais on s'est tous jetés dessus à 22h. Oui. Non, moi, je suis un porno, du coup, j'ai commencé à 23h. Mais voilà. Ah là là. Là, ta vie avec ta main droite ne regarde que toi, Ulysse. Pour revenir à Slax, j'ai trouvé ça génial. Déjà, j'ai vraiment adoré l'esthétique qui se dégage. Autant les rayons bien colorés, bien ordonnés du magasin, c'est-à-dire que tout est rangé par couleur, etc., que les réserves qui sont pas très belles pour le coup. Mais même les chiottes, j'ai trouvé que c'était bien éclairé et tout. Enfin, tu vois, tout est bien éclairé, vraiment. Et c'est vraiment très plaisant visuellement. J'ai hurlé de rire, comme a dit Roman, au moment où le putain de jean qui vient tuer je sais pas combien de personnes se met à danser sur du Bollywood. C'est beaucoup trop drôle, je suis désolé. C'est le mec derrière qui anime le jean. Et oui, et c'est là où je voulais en venir. C'est que je me suis dit, putain, mais ça doit être tellement des bars, le mec qui anime le jean. Et en fait, quand le générique se lance, tu vois le mec dans son costume tout vert en train de faire danser le jean. Et j'ai retapé une énorme barre de rire. Mais donc voilà, c'est un film... je vais répéter ce qu'il a dit, parce que c'est vrai. Parce que c'est ce que j'avais à dire sur le film. Mais que c'est genre à la fois un truc méga con. Ou genre vraiment, mais genre un jean qui tue des gens, qui danse sur du Bollywood. Voilà, niveau de... Je pense que, je sais pas, au niveau de substances illicites, quand il a écrit film, il doit être bien haut. Et d'un coup, tu vois, genre, retournement. Ah oui, mais en fait, ça parle du voilà, ça dénonce la société de consommation, la politique des grandes entreprises capitalistes, les conditions des travaux forcés des enfants. Enfin... Ça apporte des messages hyper politiques au milieu d'un truc vachement con et j'ai vraiment vraiment adoré Slax. Pareil, je sais pas comment il va arriver, je sais même pas s'il va arriver jusqu'à la France, mais dans tous les cas... Ah, je parie une couille que non, hein. Bah sur Allociné prochainement encore. Donc, ah non mais prochainement ce sera un direct ou vidéo, hein. Ah, j'espère une sortie sale quand même parce que c'est vraiment comme Psycho Gorman le genre de film que j'ai envie d'aller voir en salle. Mais ça ne fort. Ce genre de film ne sort pas en salle. Mais je sais, mais laisse-moi rêver. Si il sort en salle mais uniquement dans la salle de cinéma de dans ta salle de bain. De Nightmare, machin truc, c'est le film à sketch avec de Nightmare Cinema. Voilà, c'est ça. Il sort que dans cette salle. Il sort dans ta salle de bain, bref. Ulysse, rapidement... Que dans ta salle de bain. Pour conclure sur Slax. Pour conclure sur Slax, mais j'ai pas beaucoup de trucs à dire parce que j'ai approximativement tout dit. Et j'ai pas mal parlé aussi, au moment où Roman en a parlé. Mais sachez que Slax, vite fait, très très vite fait, je tiens à dire que Jean Tueur, Merci. Ben voilà, c'était tout. Merci beaucoup, Ulysse. Bon, bref, voilà, vous l'aurez compris, regardez Slacks. On va maintenant enchaîner, parce que ça fait beaucoup de temps déjà qu'on enregistre, avec la séance spéciale qui était proposée pour ce Gérard May, à savoir le dernier Ghibli, Aya et la sorcière. Aya. ここではすべてが彼女の思い通り。 おじさんのパイは世界で一番美味しくて素敵な匂いがするんだもん。 ランチを楽しみにしておきな。 昨日の晩、子供たちが幽霊の格好をして。 それ、私がやったの。園長先生とお別れするのが一番嫌。 あいや、あなたって怖。 ほらこれ、みんなには内緒よ。 ああ、私園で一番の幸せ者ね。 Bon bah Aya la sorcière, ça raconte l'histoire d'une petite fille qui s'appelle Aya, qui est déposée dans un orphelinat. Et un jour, il y a quelqu'un qui vient l'adopter, deux personnages assez mystérieux. Et donc, la sorcière et Mandrake. Oui, la sorcière Mandrake. Et donc, bah, elle va chez eux et bon, bah, elle les aide à faire des tâches de sorcière. Disons que, genre, un peu plus tôt dans la semaine, j'ai fait une grosse crise d'angoisse d'une heure. Bah, c'était plus agréable que le film. Parce que, en fait, le film, c'est très simple. Je ne savais pas que Ghibli produisait des films pour Midi et les Zouzous. Voilà, on l'a appris. Plus sérieusement, il n'y a rien. J'ai déjà du mal avec le genre qu'est l'animation japonaise. Il y a vraiment de... Bon, j'ai vu... déjà pas beaucoup de Ghibli, et le peu que j'ai vu, je m'en souviens pas du tout, parce que je les ai vus quand j'étais petit. Mais des films d'animation japonais que j'ai rattrapés, le seul qui vraiment est un putain de coup de cœur, c'était Les Enfants du Temps. Mais sinon, j'ai beaucoup de mal avec ce genre. Alors en plus, quand Ghibli, qui était un des seuls studios à résister à l'animation 3D, décide d'y passer et fait cette merde, ça va pas du tout. En fait, c'est-à-dire que scénaristiquement, c'est vide. Il n'y a pas d'enjeu. C'est hyper simpliste. C'est... Il n'y a rien, en fait. Il n'y a rien. Il n'y a pas d'histoire. J'ai vraiment juste l'impression de... Ils auraient pu faire un court-métrage en termes de scénario, ça aurait rien changé, parce qu'il raconte rien. Ça ne raconte vraiment rien. L'animation est laide. Mais est si laide. À la limite, les couleurs, ça rend joli. Un peu vite fait. Mais l'animation des personnages est si laide. Aya avec ses couettes dégueulasses qui défilent l'eau de la gravité. D'ailleurs, Ulysse l'a si bien dit, hein, on dirait des boules de pâte à modeler qui sont en train de parler. C'est laid, vraiment, c'est vraiment laid. Si je devais... quand même, bon bah, il faut dire ce qui est. La BO est par contre vachement cool. Vraiment, vraiment génial. Mais donc voilà, je vais finir, et c'est là où Ulysse, hier je te disais que dans la manière dont j'allais défoncer le film, ça allait un peu le défendre. Roman l'a rapidement abordé tout à l'heure, c'est un téléfilm, de base c'est un téléfilm. Et donc, je suis pas au courant. Oui, c'est un téléfilm qui a été fait pour la télé japonaise, mais qui en France sortira en salle. Et en fait... Étrange, oui. Et en fait, enfin, pour moi, c'est, là, tout est le problème, en fait. C'est-à-dire que c'est un téléfilm, en plus d'être un téléfilm, c'est un téléfilm qui a été fait pour des enfants en bas âge. Voilà. Et c'est ça tout mon problème avec le film. C'est que j'ai pas aimé, mais c'est entièrement normal, parce que je ne suis pas le public cible, on n'est pas le public cible. Ça vraiment, c'est le genre de dessin animé vraiment pour les petits. C'est le genre de dessin animé, je blaguais en disant Midi et les Zouzous, mais c'est le genre de dessin animé que tu peux voir dans Midi et les Zouzous, et ça n'a pas la volonté d'être un film, d'être un vrai film qui apporte des vrais questionnements, ça a juste la volonté d'être ce que c'est-à-dire un téléfilm qui est là pour divertir des enfants de 5 ans. Donc c'est vraiment pas bien. Ne regardez pas ça, ne vous infligez pas ça, ça dure 1h20, mais c'est 1h15 de trop. Voilà. Ok. Alors, sachez que actuellement je suis en mode SOS Fantôme. Juste, faites ce que vous voulez de cette information. Mais je suis en mode SOS Fantôme. Elle est sorcière, en fait, ce truc que j'ai. Que je trouve. En fait, pour défendre le film, déjà, c'est la bande son qui est géniale. Mais aussi, bah, en fait, malgré tout, on est sur un film. Je me permets d'interrompre 2 secondes. La bande son est géniale. Bah oui, bah Bohemian Rhapsody aussi, c'est pas pour ça que c'est un bon film, tu vois. Enfin... Oui, mais au moins, Bohemian Rhapsody, c'est pas la bande-son qui est géniale, c'est juste qu'ils ont repris des musiques de Queen. Là, c'est la bande-son qui a été faite pour le film et tout, et je la trouve plutôt bien faite. Donc, on peut donner tout ça comme crédit au film. Voilà, l'animation. Franchement, même si c'est vrai que ça fait très téléfilm ou série faite pour la télé, je trouve qu'elle est pas si mal que ça. Avec les médiums actuels, elle est pas si dégueulasse. Il y a des moments quand même où tu te dis c'est pas mal, même si j'ai l'impression que c'est genre de l'animation 2D qui a été transformée en animation 3D. Il y a beaucoup de têtes qui sont caractéristiques en fait de cette animation-là japonaise. Genre les expressions exagérées qui fonctionnent pas du tout en 3D, qui font juste un rendu assez bizarre. Mais malgré tout, le film, je le trouvais plutôt à certains moments assez émotionnel. Et assez plutôt pas mal. Même si, évidemment, ce que je trouve, c'est que le film, il manque 20 minutes, 30 minutes au film, histoire de mettre des enjeux, histoire d'expliquer des trucs. Genre la sorcière rousse, par exemple, qui apparaît au début et à la fin. Et on sait pas pourquoi elle est là, en fait. On comprend pas l'utilité. Il y a des trucs qui sont balancés en mode Aya, c'est une des grandes sorcières, etc. Et ça, c'est jamais expliqué. On sait même pas pourquoi, au tout début du film, t'as Mandra, qui est l'autre sorcière, qui pourchasse pour avoir Aya. Donc, le film est raté dans le sens où il y a beaucoup de trucs qui sont mis en place et qui sont pas expliqués. Et c'est pas comme dans Lux Eterna où finalement ça reste juste dans le côté du film, que c'est pas nécessaire. Je pense notamment à la scène où en fait t'as la nana qui son appel de son fils qui lui dit qu'on lui a dessiné une croix sur le visage. Au final, ouais, c'est pas exploité, ça fait chier. Mais au final, ça va. Ça reste dans le film, dans le côté glauque, dans le côté Gaspar Noé. Mais là, pour le coup, on est vraiment sur tiens, on balance des trucs. On les met comme si c'est des trucs importants, genre la putain de scène d'introduction du film avec de l'action, etc. Et au final, ça ne servira plus jamais dans le récit. Et il y a plein de trucs comme ça qui me dérangent. Plein de trucs qui sont pas exploités. Et plein de trucs qui sont très très gratuits. Et ce qui est problématique avec ça, c'est que. On ne comprend pas où le film veut en venir. Même si c'est un téléfilm, on comprend pas. C'est comme si, en fait, tout un film, en fait, c'est un début, un milieu, une fin. Là, on a l'impression d'être que sur le début, l'introduction et la situation de base, en fait. On ressort du film avec un goût un peu amer dans la bouche, en se disant, mais qu'est-ce qu'ils ont voulu faire et où est-ce qu'ils en sont? Et au final, on est un peu frustré par ça. De plus que le personnage de Aya est pas forcément génial, genre son but c'est de manipuler les gens et elle y réussit à la fin, genre c'est tout, c'est une manipulatrice et le film se finit comme elle a raison, elle a gagné et ça c'est un petit peu dommage parce qu'ils ont réussi, ils ont pas réussi à développer le personnage de Aya. Les personnages sont pas beaucoup développés à part Mandra qui est l'autre sorcière, le personnage principal reste très très très plat et ça c'est assez désolant pour le film. Néanmoins, on ne peut pas dire que j'ai détesté le moment que j'ai passé devant. Genre, j'ai regardé le film, j'ai vu le film, j'ai pas craché mon venin devant. C'est juste qu'à la fin du film, je me suis dit, ouais. Donc, si jamais vous avez des gosses, ou si jamais vous êtes fan de Ghibli, vous pouvez mater le film. Mais si jamais vous n'êtes pas spécialement un hardcore de Ghibli, ou que vous en foutez, ou alors que vous, dans votre tête Ghibli, c'est Princesse Mononoké, c'est le voyage de Chihiro, c'est Pompoko, c'est le royaume des chats. Ne regardez pas ce film, vous allez perdre votre temps et vous allez être un peu dégoûté du studio. Très clairement. D'ailleurs, ce qui me permet de... Parce que moi, maintenant, je suis un journaliste de renommée mondiale. Du coup, j'ai eu accès à une discussion entre Hayao et Gorō Miyazaki. Oh tiens papa, je t'amène mon nouveau film. D'accord fiston, je vais regarder ça. Oh non non. Non, ok. D'accord fils de pute. Je t'ai jamais aimé. Ouais c'est ça. D'accord fils de pute, j'aime pas du tout ce que tu fais mais je vais faire un effort. 1h20 plus tard. Fiston ? Oui ? Je te déshérite. D'accord. Voilà. Il y a un truc qui est pas mal. Quand le premier film de Gorō Miyazaki est sorti, Miyazaki était à l'avant-première. Il s'est barré avant la fin du film. Il a dit, et le journaliste lui a demandé, mais pourquoi vous êtes parti? Et il a répondu, c'est qu'un gamin. Et d'ailleurs, un moment il dit aussi, dans le film, t'as le héros qui tue son père. C'est ça ce que j'allais dire. Je crois que. C'est ça. Je crois que ça, genre, c'est vrai. En gros, dans le film, dès le début, le personnage principal tue son père. Et du coup, il y a Hayao Miyazaki qui sort de la salle en disant c'est bon, j'ai compris le message. Mmh. Voilà, en plus, donc, il a pas aimé le film. Hein. En plus, il a pas aimé le film. Et je pense que, sincèrement, que. On n'a pas eu d'image récente, mais je pense qu'il est chauve parce qu'il a dû s'arracher tellement de cheveux qu'il en a plus sur le crâne, en fait. Attends, je vais regarder une image de Goro Miyazaki. Je parlais d'Ayao, hein, pour le coup. Ah oui, Ayao. Donc voilà, si vous aimez les dessins animés Midi et les Zouzous... Et que... Non, il a toujours les cheveux, t'inquiète pas, il a toujours les cheveux. Ok. Mais que du coup, ouais, bah ne payez pas pour voir ça. Sincèrement, ne payez pas. Ne vous dites pas, oh c'est Ghibli, ça va être bien. Non. Ne vous dites pas non plus que la coiffure d'Aya, ça va finir à la mode, parce que sinon vous êtes des connards. Parce qu'en fait c'est pas possible, parce que enfin il y a un truc qui s'appelle la gravité et les cheveux ne peuvent pas tenir comme ça. Voilà. Je sais pas combien de gel elle a mis, mais ça expliquerait pourquoi ses cheveux sont si luisants. Et donc c'est ainsi que se termine cette première partie, parce que oui en fait on s'est rendu compte que si on faisait les films du présent de Gérard Armé, les films du passé de Gérard Armé dans la même émission, ça ferait beaucoup trop long, donc on va couper en deux. Donc les gars, vous pouvez dire au revoir, même si, bon, bah, techniquement, nous, on va se retrouver juste après. Donc, voilà, vous aurez l'épisode sur les films du passé dans quelques jours. On espère que ça vous aura plu, pardon. Et on vous dit à la prochaine.